je suis Koé. Bonjour Monsieur Koé, bienvenue à l'accueil. Bon alors, pour vous situer, hein, première heure, vous êtes en studio, hein, vous prenez l'ascenseur là-bas, hein, c'est au 6ème. Et puis à 18h, c'est en public, en bas, là-bas, au moins 1. Bon bah je connais, merci, c'est quand même la saison 8. Ah bah non. Ah, moi je suis là tous les jours et vous n'étiez pas là l'année dernière. Hein. Pas me la faire, hein, moi Monsieur Koé. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup, hein, et puis à demain. Demain, ça, on sait jamais. Ça va vite dans la maison. Déjà, il va être drôle ce soir, puis après on verra, hein. Allez, bonne émission Monsieur Koé. L'émission commence dans 5, 4, 3, 2. Oh les gars, vous lâchez la PlayStation, c'est à vous là. Oh bah désolé, on arrive. Rappelez-moi comment il s'appelle. Sébastien Koé. Koé, 17h, 20h sur Énergie. C'est parti! C'est là! Ouais, quel plaisir! Mais quel plaisir de vous retrouver! Qu'est-ce que je suis content! Bienvenue sur Énergie, merci! Contrairement au bordel ambiant, cette émission n'est pas en public. L'émission en public est à 18h. Pas encore. Alors imaginez quand c'est pas en public le bruit que ça fait, imaginez ce que ça va faire en public. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je voudrais d'abord vous remercier, vous qui nous écoutez, pour tous les messages que j'ai reçus ces derniers jours, ces dernières semaines, pour me dire on est très content de te retrouver, tu nous as manqué, etc. Des fois j'y pensais plus qu'on revenait, tac, vous mettiez une piqûre de rappel le matin au réveil, ah oui c'est vrai on n'a rien préparé. Un peu de donc, pression. C'est vrai on n'a rien fait. Donc voilà. Ouais, et heureusement qu'ils sont là parce que on va y arriver les mains dans les poches. Voilà, donc heureusement que vous êtes là. Ouais. Vraiment ça me fait très plaisir. On va vous préparer une émission. Alors chaque jour, je vous explique ce qui va se passer. Mm-hmm. 17h, 20h, nouvel horaire. Ouais. Même nom d'émission. Pas trop nous en demander non plus. Donc ça veut dire que vous allez avoir une émission en deux temps. D'abord, 17h, 18h, de la musique, des conneries. On revoit tout ce qui se passe dans la journée, tout ce qui s'est passé dans l'actu. Vous tous au téléphone, vous nous appelez, vous passez un coup de fil, 0870 42 48. Ça ne bouge pas. Ça s'appelle le before. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Du premier coup, du premier coup, le numéro de téléphone. Oui, bah, tu l'as en face de toi. C'est il est écrit en gros. Non, mais... Je n'ai pas fait de tête. Oublie. Ah bah non, il ne faut pas exagérer, mais crypto. Hein. Désolé. Alors, où j'en étais? Bienvenue sur Energy. Ça, je l'ai fait. Bon, tout ça pour vous dire qu'à 18h, par contre, nous descendons dans le studio au moins 1, comme nous l'indiquait le monsieur de la sécurité. Et à 18h, émission en public où il y aura des stars tous les jours, ou presque, qui viendront nous voir. Aujourd'hui, on est entre nous, on est avec le public, bah oui, histoire de prendre le plaisir de se retrouver. Demain, on redémarre bien parce qu'entre autres, par exemple, il y aura Jane. Ça, c'est demain, on démarre bien. J'adore ce que fait Jane. Et j'adorais celui-là aussi, je le dis. Et j'ai déjà demandé voir si elle pouvait nous chanter All Right et le nouveau et l'ancien. Ah. Et là, c'est génial, on m'a dit non. Donc, ça commence bien. Bienvenue. Non, mais oui, voilà, j'ai donné, même si je suis... on m'a dit non. Faut que je vous présente l'équipe. Ce soir, dans l'émission, avant de vous présenter l'équipe, on va jouer au cache-cache tout à l'heure. Le cache-cache, c'est simple. Vous envoyez 1, 2, 3, 26 SMS. Et là, Jean-Paul, le patron, plus vous envoyez des SMS, plus il court nu dans la rue. Donc vous envoyez vos SMS au 7, 10, 12. Vous mettez Koé au début du message. À 17h30, je vous appelle. Uniquement si vous avez envoyé un SMS. Un membre de l'équipe aura, nous aurons tous une enveloppe dans notre poche, sans savoir ce que c'est, et un parmi nous aura 10 000 euros dans son enveloppe. Hey, vous trouvez la bonne personne, vous gagnez les 10 000 euros. C'est bon, ça. Okay. Et ce sera comme ça tous les jours. Envoyez Koé au 7-10-12, ça nous fait très plaisir, on démarre. Hein. Là-dessus, nous aurons tout à l'heure. Budget, hein. T'as vu moyens. Nous aurons tout à l'heure, nous reviendrons sur l'affaire de cet été, sur Caris Booba, nous aurons en exclusivité la compile des deux. Oui, il y a une compile. Oui. Maintenant, ils sont amis pour la vie, bisous. qu'est-ce qu'on aura? Nous aurons en exclusivité Miko qui reviendra sur Fort Boyard. Non, pas le Fort Boyard de samedi où il y a eu, on a parlé de Joy Jonathan. Il est polémique. Ah oui, non, celui avec. Celui des winners. Celui dans lequel on était. Voilà, c'est important. Mais laissez-moi vous présenter très rapidement l'équipe. Je suis obligé parce que nous avons une nouvelle équipe, donc peut-être que vous ne les connaissez pas. On a qui arrive après? C'est Dadju. Oui, c'est ça. Bon, tu lui dis que je vais avoir une seconde de retard. Tu l'appelles. Hein, tu lui, tu une dis... seconde. Mais oui, je cherche le jingle, je ne trouve pas. Elle commence bien cette année. Et là... ça veut dire que là. Et où ma musique? Allez, bon. Ben, vous allez pas me croire. Pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il est où mon truc? J'ai moi fait écouter une musique tout à l'heure avec. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? On m'a dit. Pas là. Dis-nous ce que tu veux. Mais tu veux pas qu'on envoie Dadju et après on cherche la musique? Parce que c'est comme ça, sinon. Ouais. Non? Non, mais okay, tu je voulais dis, faire hein. la présentation de l'équipe, vous m'avez gâché. On fera après. Attends, vous m'avez gâché. Attends, c'est ça que tu cherches? On a tout le temps pour ça. Oui? C'était ça. Mais j'ai plus envie, c'est Dadju maintenant. On est sur Énergie, on est là tous les soirs, 17h, 20h à 18h. On attaque l'émission en public. Et tout à l'heure, préparez-vous, dans moins d'une demi-heure, peut-être 10 000 euros. Tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Il veut nous éloigner, donc il sort toutes sortes de foutaises. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi mais pas toi. Laisse-moi le calmer, il faut que son cœur s'apaise. Laisse-moi lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, que tu fondes une famille avec n'importe quel autre homme que moi. Il me voit comme celui qui vient lui voler sa fille pour te retenir, il abuse de ses droits. Je veux bien être gentil, papa, mais même toi tu peux pas nous bloquer. Donc on va parler d'homme à homme, car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. Je veux parler de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Qu'il faut que je fasse pour avoir dans son cœur une place. J'ai fait l'impossible pour que ce soit possible. Il me voit comme un bon à rien, mais dis-lui que je suis bon dans tout ce que je fais. Dans ma vie, je sais où je vais. Contre ses choix, je refuse, je m'impose. C'est toi mon choix et pas une autre. Laisse-le croire qu'on poussera droit dans un mur. Change pas d'avis de nous, je suis sûr. Dis à ta mère, je prendrai soin de toi avec ou sans son accord. L'affaire, je lâcherai pas, je compte pas t'abandonner. Sache que je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. Je vais parler de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. S'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. C'est le Bifort sur Énergie. 18h, c'est en public. Restez avec nous et je vous rappelle que le hashtag de ce soir, il est simple, il est efficace. Même si vous avez deux neurones et que vous en avez laissé un bout entre les châteaux de sable, vous vous en souviendrez de celui-là. Hashtag Coé revient sur Énergie. C'est original. Une simplicité. Et encore, vous n'avez pas entendu le jingle de l'émission publique à 18h. Ah oui, soyez là. Alors celui-là, soyez là. Faut tout écouter. J'ai déjà fait des jingles, je me la raconte. Mais là, je dépasse l'immeuble d'énergie. Là, je touche la tour Eiffel, les amis. Là, celui-là, vous êtes... il est efficace, il est beau. Je remercie les producteurs qui l'ont fait, il est magnifique. Mais alors là, je passe plus. Regardez, c'est les portes. Arrête, il est classe. Je ne passe plus. Dans un instant, nous aurons les news champions du monde. Tous les jours, nous aurons un petit tiercé comme ça des trois news du jour à retenir si vous avez un dîner ce soir. J'aurai une news hallucinante à vous raconter sur Johnny Depp. Vous savez le type beau gosse, enfin beau gosse, moi je trouve qu'il prend pas assez de douche. Il est de moins en moins. Ah bah ça va, il se lave, on dirait qu'il joue dans Game of Thrones. C'est pas possible. C'est quoi ce truc, il est beau mais il doit sentir. Je suis sûr qu'il sent. C'est un style. Non, c'est un style qui pue. Ça existe pas, un style comme ça. Ça existe pas. Donc nous, il met une news hallucinante sur Johnny Depp. tout à l'heure. Une vraie news. Hein. De vrai. Le cache-cache à 17h30. J'appellerai au hasard quelqu'un qui s'est inscrit au 7-10-12 et seulement par SMS en envoyant au Koé au début. Je vous demanderai de choisir une personne de l'équipe, une seule personne à 10 000 euros et vous pouvez gagner tous les jours à 17h30 sur Énergie 10 000 euros. Mais d'abord. Qui fait partie de l'équipe? Merci. Présentation des membres de l'équipe. Salut à tous, bienvenue. Hey oh, non, pardon. Non, faut pas redémarrer. Merci. Elle est productrice de l'émission. Elle est en charge d'organiser le contenu de l'émission et d'engueuler les stagiaires. Bipolaire, elle peut aussi être adorable que mal aimable, tout ça en moins de 3 secondes. Élue Miss Poissonnière à Rungis de 2004 à 2012. C'est vrai. Je demande d'applaudir. Non. C'est quoi cette présentation? C'est moche. On continue. C'est le réalisateur de l'émission, il est sourd, il est aussi à l'aise aussi à l'aise sur la console de mixage que moi sur un skateboard. Du coup, on lui a mis un binôme, salut Gilles, pour la première semaine. Tellement on a peur, je vous cache pas. En plus, il se lave pas tout le temps les cheveux, mais je l'aime bien quand même. Voici Bichette. Bravo. Merci. Il est co-animateur de l'émission et mon ami depuis 20e siècle. Beau gosse, muni comme les requins de 253 dents, cheveux grisonnants et pourtant célibataire. C'est vrai, il est marié avec sa PlayStation et c'est le seul mec à qui Tinder a envoyé un mail en disant « Maintenant, ça suffit, monsieur. » Je demande d'applaudir Miko. Bonjour. J'adore. Allez, on continue. C'est une princesse dans le corps d'un routier. Il connaît tout Gossip Girl, mais rien aux déménageurs de l'extrême ni aux maisons qui se déplacent sur RMC Découverte. C'est l'être sensible de l'équipe. C'est la touche glamour pâté cornichon de notre team. Il a pris 30 kilos cet été. Ouais, 20 kilos. 20 kilos cet été. Wow, 20... Combien tu veux que je dise? Je n'ai pas bougé, franchement. Il n'a pas bougé cet été. Jeff. Bravo, Jeff. Bravo. Merci beaucoup. Et celui qui va gérer tous les réseaux sociaux, et vous êtes 10 millions à me suivre sur mes réseaux sociaux, merci. Bordas. Okay, merci de nous avoir choisi. Merci d'être là sur Énergie. Dans un instant, on va revenir sur le truc de Johnny Depp, et je sais que vous allez être nombreux à en parler. Bienvenue, merci d'être là. Je m'appelle Koé, on est de retour, et on la lâchera pas. On la lâche pas cette antenne. Tant que ça cartonne pas dans le monde entier, on la lâche plus, c'est fini. Va causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. C'est Koé, c'est le Bifort sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, c'est le Bifort jusqu'à 18h. 18h, l'émission en public. Alors, je veux vous tenir avec vous à partir de 18h. Il y a beaucoup moins de musique. 18h-20h, beaucoup moins de musique, beaucoup plus de nous et beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas encore ce qu'il y aura dedans. Ça, c'est voilà. C'est ça. Mais je sais qu'il y aura du public. Vous voulez être avec nous dans le public, n'hésitez pas. Vous faites coepublic@energie.com. C'est ça. C'est complet aujourd'hui. Je sais que c'est complet demain, mais venez nous voir. Vous êtes les bienvenus. Vous venez dans le studio et venez avec des trucs pour le goûter parce que nous, on n'aura pas le temps. Oui, donc ouais, ramenez des trucs. On a faim. Être honnête avec vous. Merci. Venez avec, ça nous fera plaisir. Non, je reviens sur cette info exclusive. Johnny Depp. Johnny Depp. Non. Quoi? Non mais j'attends, je l'ai pas dit encore. Johnny Depp, c'est la news de l'été. Je vous la lis, elle ne vient pas de moi. D'accord. La news qui a été reprise dans des journaux et des sites internet. Bah partout, partout. Moi, je l'ai vu passer sur Twitter. Donc elle est véridique. Oui, mais elle est vraie. Et le titre est vrai. Oui. Ok. Oui. Ouvrez les guillemets. Ouais. Mais qui a fait caca sur le lit conjugal d'Amber Hart et de Johnny Depp? Non. Faut que je vous explique. Vous savez qu'ils ont divorcé les deux. Oui. Quand on divorce, c'est une boucherie. Généralement, ça se passe pas très bien. Oui. Et donc, les gens qui nous écoutent, qui sont en voiture, ils le savent que c'est moyen moins dans ces cas-là. L'acteur américain accuse son ancienne femme, qui est très belle, d'avoir fait popo dans le lit conjugal en 2016. Voilà. Selon Johnny Depp, elle se serait vengée après qu'il soit arrivé 2 heures en retard à sa fête d'anniversaire. Bah évidemment, c'est-à-dire, ça se fait pas. C'est vrai. J'ai envie de te dire. Faut saisir. C'est ça. C'est-à-dire que le gars, il est en retard. Il est en retard. M'en fous. Allez. Quand je pense que moi, j'ai déjà eu des 3 heures de retard, je peux pas imaginer ce qu'aurait fait ma femme. Mais 2 heures de retard, Johnny, c'est quand même cher payé pour la literie. Hein, je sais que Johnny Depp, il peut s'acheter un Mérinos tous les matins. Mais sur le principe, ça se fait pas. Mais sur le principe, et je sais que les femmes qui nous écoutent, qui font le ménage, elles sont dans la voiture, elles font « Ah non, c'est exagéré !»« Ah non, bah il se croit sur son bateau ou quoi, Johnny Depp ?» Donc en exclu, sur Énergie, dans le before de l'émission, on a la réaction à chaud de Johnny Depp. Au moment de l'incident. Ouais. Ah oui, quand il est arrivé comme ça, T'imagines, il ouvre la porte. Il a soulevé les draps et là, il a fait. Qu'est-ce qui se passe? Ma veste est pleine de cambouis. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Voilà. Ça se passe comme ça dans les groupes. Cette info est vraie. Hein. Oui. Je tiens quand même à vous dire. Vrai, hein. Comme quoi, t'as beau être une star américaine, t'as beau avoir des millions, bah t'es tu pas. Tu peux avoir du popo dans ton lit. T'es pas classe. Bienvenue sur Énergie. À tout de suite. Ne bougez pas. On sera de retour dans un instant. Nous allons vous offrir des énormes cadeaux. Dans un instant, il y aura peut-être à gagner 10 000 euros cash. Nous avons l'enveloppe sur nous. Vous jouez au cash-cash, comme cacher du cash. Vous avez compris? Cash-cash. Oui. Ah, bah oui. Voilà. Vous désignez la bonne personne qui a les 10 000 et les 10 000 sont pour vous. À tout de suite. On revient. Dès votre réveil, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonjour Séverine. Salut Manu. Quelle est ton histoire de vacances? Je suis partie aux Maldives cet été, et donc baignade dans les eaux turquoises. Et au bout d'un moment, je me rends compte que j'avais autour de moi une quinzaine de petits requins. Oula. La grosse flip. Wow. Et t'es revenue à la nage et ça a été? Oui, du coup, puisque tu nous parles maintenant, forcément ça a été. Alors, je vous rappelle quelque chose d'important. Si jamais vous vous retrouvez dans la mer avec des requins, la seule astuce vraiment à avoir, c'est nager plus vite que quelqu'un. Manu dans le 6-9. Manu. 6h-9h30 sur Énergie. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour, l'offre bio de la semaine, c'est les 4 poires Carrefour bio origine France à seulement 1,99€. Génial! Alors nature, en tarte ou avec un coulis de chocolat, moi j'adore. Résultat des courses, avec Carrefour, c'est possible de manger bio français sans se ruiner. Jusqu'à vendredi, chez Carrefour et Carrefour Market, la barquette de 4 poires Carrefour bio origine France est à seulement 1,99€. Carrefour. Variété Guyot et William, catégorie 2, calibre 60+, détail produit sur carrefour.fr. Vous aimez être à la pointe du raffinement? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec ses projecteurs ciselés tels des pièces de joaillerie et ses feux tridimensionnels en forme d'écaille, ce SUV d'avant-garde incarne le savoir-faire français. Paré de matériaux nobles, comme le cuir Napa sublimé par des coutures point perle, l'alcantara ou le cristal noir, DS7 Crossback signe un intérieur haute couture. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Détails sur dsautomobile.fr. Chez Tati, la rentrée, c'est stylé. Chez Tati, t'as tout. Chez Tati, t'as tout. Un bas, un t-shirt, un sweat à 10 euros seulement. Trop classe, la rentrée des classes. Offre valable jusqu'au 9 septembre 2018. Voir conditions en magasin. Chez Tati, t'as tout.

un ancien. Il a vécu toutes les guerres. Enfin, les guerres de Booba. Booba Lafouine, Booba Gims, Booba Caris. Je sais pas si on les étudie, celles-là, à l'école. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. On est de retour à 18h, c'est en public, ça fera du bruit, hein, je vous préviens. Tout à l'heure, nous aurions également la compile de Booba Caris. Eh oui, maintenant c'est des amis. Bah, copain, bisous. Copain pour la vie. T'es mon copain, tu vois, je suis ton frérot, bisous. Amour éternel. Voilà, vous allez voir, vous verrez le prochain clip. Quand vous verrez des poneys qui font des cacas arc-en-ciel, vous verrez. Vous penserez à moi, on en reparlera. On aura le cache-cache d'ici quelques minutes pour gagner 10 000 euros. On aura dans un instant une production Made in Bichette, le réalisateur de cette émission. Oui. Qui reviendra sur ma bio parce que effectivement j'arrive là en disant bonjour c'est Coé, mais il y a peut-être qui m'écoute, qui c'est ce garçon. Moi je te connaissais pas. Mais qui est Coé, je n'ai jamais entendu ce nom. Enfin je ne vois pas de qui il s'agit. Nous aurons la villa des animateurs tout à l'heure. La villa des animateurs, c'est tous les animateurs stars de la télé qui sont dans la même villa. Je sais que je suis en train de vous tuer un truc du monde du showbiz. Mais ils ne sont pas tous dans des énormes appartements. Non, ils vivent tous dans un appartement. C'est un F2 à Gennevilliers. Ils sont tous là-bas. Les Arthur, les Cyril Lignac, les Nico Saliagas, ils sont tous là-bas. Tous ensemble. Vous aurez une nouvelle aventure tout à l'heure où on leur dira qu'on arrive aussi sur Énergie. C'est important qu'ils le savent. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore? Et puis la compile Booba Caris, un Facebook Live tout à l'heure après 18h, ouais. Aux alentours de 19h30, ce qui nous fait un bon après 18h. Voilà, le hashtag Bordas. Quand il revient sur Énergie, on est en TT France. Bravo. Oh, ça fait plaisir. Déjà, ouais. Un petit message. Globalement, t'as plein de messages pour qui te souhaitent la bienvenue, qui te souhaitent un bon retour sur Énergie. T'as Vicky qui dit le jingle de début d'émission était d'une extrême simplicité. Oui, globalement. C'est vrai. Tu trouves? C'est pas faux. Allez, attention, voici les champions du monde de l'info. Je vous dis 2-3 trucs qui se sont passés. Je vous en fais que 2. Ok. Ou je vous en fais qu'un. Ça dépend du temps. Stouff, on en fait combien? 2. Ah, merci. Je vais en faire 3 alors. Donc, Non, par contre, là, non. Arrête. Je suis désolée. Bon, ok, j'en fais que 2. Voilà. C'est sorti aujourd'hui dans le journal. On apprend que chez les Mexicains, je sais pas si vous avez vu cette info, il y a des dealers qui ont construit un tunnel pour acheminer de la drogue d'un KFC à une maison. J'ai vu. Il y avait un ancien KFC, il y avait une maison, les mecs ont fait un tunnel gigantesque. C'est dans l'Arizona, le tunnel fait 180 mètres et tous les jours. Il poussait de la drogue du Mexique aux États-Unis. C'est fantastique, non? C'est ouf. Alors vous allez me dire, c'est pas bien, ça se fait pas. Non, oui, c'est mais les mecs étaient réglo. C'est-à-dire? Pour le cannabis dans le tunnel, ils avaient quand même mis un panneau, interdit de rouler à plus de 70. Non, les mecs, c'est réglo. Les mecs disaient, avez-vous attaché votre ceinture? Oui. Les mains à 10h10, droite, gauche. Et là, ils amenaient du cannabis. Mais voilà, ça c'est pas bien, mais au moins ils respectaient les règles. Et puis le champion du monde, vous le savez, c'est l'affaire de cet été. Qu'est-ce que c'était dommage que je sois pas à la radio cet été. Pourquoi? Booba et Caris. Ah oui. Juste quand on est parti en vacances. Hein. Les deux rappeurs qui se retrouvent par hasard à Orly, vous savez, ils se battent dans une parfumerie. Alors, ils se sont battus devant tout le monde. Il y avait des familles, des enfants. Moi, j'ai vu des enfants, ils avaient peur de rien. Ouais. Prenez des selfies et tout. C'était un truc de dingue. La classe, quoi. L'exemple, le bon exemple. Voilà, ils ont pas mal cassé d'ailleurs dans la parfumerie. Oui. Et ben, je vais vous dire un truc. Dans toute l'histoire du rap, c'est le premier fight qui sent bon. Aux États-Unis, les mecs ils se tirent dessus, ils ont des fusées à pompe. En France, ils se cassent des bouteilles de parfum. Si tu regardes la vidéo, ils se mettent des coups de parfum. Le mec fait, celui-là, ça va, il plaît, c'est au sauvage. Non, c'est trop poivré. T'as pas un peu plus ambré? Attends, j'ai un échantillon. Ouais, c'est ça. Hein. Allez, vas-y. Bienvenue sur Énergie. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Post Malone. Et après, il y aura Gigi D'Agostino. J'adore le titre In My Mind de Gigi D'Agostino. Et je vous expliquerai comment gagner 10 000 euros dans un instant. Je suis peut-être allé un peu vite? Non. Je prendrai le temps de vous expliquer. Bienvenue sur Énergie. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm another dude. He seemed like he was pretty cool. I was so broken over you. Life, it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I say that. L'after tout à l'heure à 18h en public avec vous dedans. Si vous voulez être en public, coépublic@energie.com. Vous voulez nous dire bonjour, coé@energie.com. Vous voulez nous téléphoner, 0870 42 48. Vous voulez tweeter, vous faites hashtag coé revient sur énergie. Vous voulez aller manger, vous allez dans le placard. Restez dans un avec nous. Et je vous rappelle qu'il y aura Gigi D'Agostino dans un instant. J'adore ce titre. In my mind, le gars, il a fait chanter ses enfants. Vous savez pas quoi faire. Chorale. Cet été, il a dit, gamin, vous savez pas quoi faire, chanter. In my mind. J'adore ce truc. Je vous préviens, on va l'écouter à fond. C'est le moment de vous offrir. Bienvenue, les amis. C'est le moment dans le cache-cache de vous offrir 10 000 euros. Le principe est extrêmement simple. Là, en théorie, je devrais avoir de la musique. Ah, je l'ai. C'est parce que j'avais pas appuyé sur le bon bouton. 10 000 euros. Cash. Le principe est extrêmement simple. Chaque membre de l'équipe ici, ce sera comme ça tous les jours, s'est vu remettre par Pierre, et je ne vous jette pas la pierre, Pierre, s'est vu remettre une enveloppe. Oui. Personne ne sait le montant d'inscrit dans l'enveloppe. Vous allez choisir entre moi, Stouff, Jeff, Pichette, tu es dedans ? Oui. Bordas aussi qui fait les réseaux ? Ok. Et Miko, vous choisissez la bonne personne, il y a une enveloppe à 10 000 euros. Sinon, il y a peut-être beaucoup moins. Il y a peut-être 100, il y a peut-être 200, il y a peut-être 1000, il y a peut-être... Mais il n'y aura jamais 300 000. Ça va jusqu'à 10 000. Pour ça, vous vous inscrivez, vous envoyez Coé au 7 10 12 et seulement par SMS, j'appelle Valentin. Il a, j'ai un reflet dans mon écran, 21 ans, à Aix-en-Provence. J'appelle Valentin. Une chance sur 6, hein. C'est beaucoup. Mais c'est vrai, Jeff. Bah ouais. J'ai très bien. Tu as assez peu parlé, mais le peu que tu as dit est brillant. Allô. Allô, Valentin. Oui. Bienvenue, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Comment ça va, Valentin ? Enchanté. Enchanté, pareil, pareillement, enchanté. Les vacances étaient-elles bonnes ? Eh oui, c'est la reprise, c'est un peu dur. Quelle banalité, on s'échange depuis 30 secondes. Valentin ! Oui. Je te réexplique la règle, elle vient d'arriver aujourd'hui. Le principe du cache-cache, il y a 6 personnes autour de cette table. Il y a Stouff, la productrice, il y a Jeff, il y a Bichette, Bordas, Miko et moi-même. Tu choisis une personne. Si tu choisis la bonne personne, tu peux gagner 10 000 euros. Sinon, bah c'est peut-être moins, c'est peut-être rien du tout. Voilà. On découvrira ce qu'il y a dans l'enveloppe. Tu es prêt ? Je suis prêt. Concentre-toi. Attention, c'est on stressant. Y va. C'est stressant. C'est stressant. Oui, mais c'est très stressant. Cette émission, ça s'appelle C'est Coé, c'est stressant. C'est le nouveau slogan. C'est le nouveau concept. Bien. On va vous stresser. On va vous stresser tous les soirs. 17h, 20h, tu vas stresser. Ah, je transpire. Mais tu transpires tout le temps, même quand tu stresses. C'est pas faux. Valentin, concentre-toi. Tu as 21 ans, ça ferait du bien, 10 000 euros. Ouais. Ça serait bien. Alors ? Ça serait bien. Tu choisis qui ? Je vais essayer Nico. Miko. Il est pas là, Nico. Prenez l'enveloppe. Je prends l'enveloppe à mon nom. Ouvrez l'enveloppe. Il n'y a peut-être rien. Et s'il y a des sous, il faut compter combien ? Beaucoup. C'est beau, bah vas-y, dis-le. Oh, c'est du vrai, voilà. C'est pas mal. Mais je suis nul en maths. Bah, moi, 500 plus 500. 500, ça fait 1000, j'ai l'impression. Ça fait 1000 euros, ça veut dire que Valentin, 21 ans, Valentin. D'Aix-en-Provence, gagne 1000 euros cash. Bravo. Valentin, mon ami, 1000 euros qui vont arriver chez toi dans quelques jours et tu vas en faire ce que t'en veux, d'accord ? C'est parfait. Je te fais un gros bisou, d'accord. Tu pourras t'acheter de la joie, de l'étonnement. Tu pourras t'acheter de la rigolade et de l'explosion. Tu pourras t'acheter de la reconnaissance et de la roulade. D'accord. Et tu pourras t'acheter un petit feu d'artifice dans ta tête. Histoire voilà, que merci. Là, merci. Merci. Merci. Dans ma tête. Merci. Allez, merci. À demain. Tu as gagné 1000 euros. Merci, cordialement. Allez. Bien à vous. À bientôt, Valentin, je t'embrasse. Allez, merci. Ciao, mon poteau. Voici Gigi D'Agostino sur Énergie. Monte le son, j'adore ça. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. J'adore ce morceau, j'adore ce truc-là. Je vais le mixer à Maubeuge. Le 15 septembre, je suis à Maubeuge pour un NMT. Oui. Oh. Je vais mixer DJ D'Agostino. Il change de nom, puis je le mixe. DJ D'Agostino. DJ D'Agostino. Voilà. Demain, soyez avec nous si vous êtes fan d'Ariana Grande. Demain, dans l'émission, je vous offre des places pour le concert privé d'Ariana Grande. Wow. Passez le message entre vous, vous serez contents et tout va bien. Le hashtag de ce soir, Coé revient sur Énergie. Laissez-nous vos messages, on est en TT France toujours. Continuez de parler et tout. Et voilà, on aura plein de questions tout à l'heure. Sixième, c'est ton niveau scolaire. J'aurais pas mis plus, moi je t'aurais pas mis. Et encore. Premier trimestre. Ouais. Oui. Bac, hein. Fais attention, tu peux repartir en cinquième. Fais très attention. Ou en CM2. CM2. Ça peut se passer. Beaucoup de questions qui reviennent. On reviendra dessus tout à l'heure, mais des gens qui me disent t'as fait quoi pendant un an? T'étais plus là. Bah c'est vrai. Une année sabbatique. Bon, je peux vous le dire. J'étais avec des amis, on s'est battu à coups de parfum à Orly. Mais je l'ai fait avant eux, je balançais des Maltesers. Moi, je suis un rebelle. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je vais être là. C'est que le stand à côté, c'était M&M, ça. Hein. C'est vrai. Les gars, ils se sont battus à coups de parfum. On était à deux doigts de voir des mecs se battre à coups de Smarties. Hein. C'est ça. Tu imagines, ah, le gros M&M jaune, bam, bam, c'est pour toi. Avec des Toblerones. En attendant, si vous ne nous connaissez pas, Bichette, le réalisateur de cette émission, est venu me voir tout à l'heure avant l'émission. Il m'a dit, écoute, je voulais faire ta bio en quelques secondes pour que les gens comprennent le mieux possible. On s'est mis à deux avec Nico. Oui, bah les droits d'auteur, vous ferez ça après l'émission. Ah, si ça vous dérange pas, on fait l'émission, on fera la paperasse après. Vous enverrez ça, ça sème, on fait là pour l'instant, on est entre nous. Et donc, c'est comment résumer en... Je ne l'ai pas écouté, je vais découvrir. Hein. C'est oui, c'est une petite présentation de toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Ouais, qui, ou alors c'est qui, exactement ce que je viens de dire. Qui n'ont pas entendu parler de toi. Tu connais la sixième? Parce que je connais un gars qui va y aller. Non, je suis la personne. Donne-moi la main, viens. Allez, écoutez ça. Je vais Sébastien Coé est né le 28 avril 1972 dans cette belle contrée de Picardie. Le petit Sébastien n'apprécie guère les joies de l'école. Quelques années plus tard, à ses heures perdues, il se lance dans le son et devient DJ de soirée disco. DJ Babas. Animé par l'envie de conquérir le monde, Thanos, alias Coé, débute sa carrière radiophonique dans les années 80 sur CSM. Le succès au rendez-vous, Coé gravit les échelons un à un. Depuis, Coé a fait à peu près toutes les radios. Coé sur Coé sur mais le coup de foudre fut pour Énergie. L'émission C'est Coé. C'est Coé sur Énergie. Et cette histoire a duré 7 ans, quand tout à coup, l'année sabbatique se fait sentir. Il part faire le tour du monde avec Loana, mais s'arrête à Sochaux. Marque 4 buts en finale de la Coupe du Monde et devient l'avocat de Caris et de Booba. Comme ça, il est sûr de gagner le procès. Il part ensuite en quête des 6 pierres d'infinité, revient bredouille, mais avec une nouvelle équipe. Miko, le charmeur de serpent internationalement connu. Bichette, le blond mannequin chez Jean-Louis David et frère d'Antoine Guesman. Jeff, la seule personne dans laquelle on peut faire un cache-cache. Champion du monde de lancer de boulet. Bordas, le boulet. La bonne nouvelle, c'est que c'est reparti pour un an. La mauvaise, c'est que les gars d'énergie ne sont pas prêts. À vous les cieux d'énergie. Bonne émission, merci, bonsoir. Ah, très bien, très bien, très bien. Bravo, bravo. Oh, vous savez quoi, le premier temps, je veux plus rien entendre avant, je veux découvrir au dernier moment. Très voilà, bien, c'est très, très bien. Bien. Et allez, ça me fera moins de travail. Bienvenue, merci de nous avoir choisi à 18h. C'est l'émission en public. D'ici là, tout à l'heure, nous aurons la villa des animateurs. Nous aurons tout à l'heure encore pas mal de choses. Nous aurons la compile Caris Booba. Ça, ça t'a ne pas raté d'ici quelques minutes sur Énergie. Et je vous rappelle que si vous aussi voulez que je vous appelle pour 10 000 euros, ça sera, se passe demain, mais vous avez toute la journée pour vous inscrire. Vous envoyez Coé au 7-10-12 par SMS. Qu'est-ce qu'on écoute, ma petite souffle? Kenji. J'adore, ça tombe bien. Il vient nous voir bientôt, lui. Je n'ai pas encore demandé, mais... Il va dire oui. Je n'ai pas encore appelé, mais il viendra nous voir bientôt. Enfant des villes, ou enfant des fois, on se fait tous une île. Pour aller bien à l'horizon, pas de boulot. C'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Tout oublié, tu vois. On ira faire la fête. On ira faire les rois. Pour se vider la tête. Pour oublier. Pour oublier. Pour oublier. Pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oubliez l'horloge qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, pour oublier. Vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Dansez, dansez. j'ai jamais réussi à faire ce truc. Il m'a montré mille fois, Kenji, hein, comment il fallait faire le. J'ai jamais réussi, à chaque fois il arrive. Et ben c'est simple. Et lui, il y arrive. Et moi, j'y arrive pas. Direction la villa des animateurs tous les jours. Nous irons dans la maison où tous les animateurs sont. Tous ceux de la télévision, de Arthur, à Nikos, en passant par Patrick, Sébastien. Ils vivent tous dans leur petit appartement de Gennevilliers. Ils sont tous là-bas. Oh, pas fiers à la télé, pas fiers. Et c'est plus les moyens d'avant. Donc, ils sont tous là. Est-ce que vous pouvez leur demander, Jeff? On peut passer un coup de fil? Ah oui, oui, oui. Leur demander ce qu'ils pensent de notre retour. Mais on veut savoir ce qu'ils pensent du retour de toute façon. On appelle. On les appelle tout de suite. Donc, ils vivent tous ensemble. Tu as le numéro? T'as le numéro, c'est bon? J'ai le numéro. Je compose le numéro. Ce claquement de porte très discret. Pas entendu partout. Pas du tout. Ce gag n'est pas du tout préparé. Ah, ça sonne. Qui va décrocher? Allô? Allô, bonjour, c'est la radio Énergie à l'appareil. On voulait parler du retour de Coé sur Énergie. Ouais, c'est Arthur à l'appareil. Vous voulez quoi? Parler du retour de Coé sur Énergie. Ouais, je connais pas. D'accord. Allez, quand même. Appel. Allô? Allô? Ouais, allô, c'est Nikos à l'appareil, ça va les loups? Eh, salut Nikos! On voulait savoir ce que vous pensez du retour de Coé sur Énergie. J'adore les loups, j'adore Énergie, je connais aussi, je fais le morning à Énergie, c'était cool. Ah oui, c'est vrai. Enfin, je crois, je m'en souviens plus, je faisais que de dormir. Passe-moi le téléphone, Nikos, passe-moi. Oh, les chéris! Allô, sur Énergie, c'est la dark de l'année, chéris, je vous dis, ça va me cartonner! La race rat de l'année, pour un peu compte, c'est Casta! Eh, Casta dans sa pub, comme j'aime sa race! Alors lui, c'est 7 ans de prison, gratuit! 7 ans de race rat, gratuit! Allô? Allô? Allô? Allô, ça va, c'est Cyril Le Lignac à l'appareil, ça va bien? Ça va, ça va! Animateur fondant, craquant d'M6 qui fait de la cuisine. Je voudrais féliciter Coé pour son retour sur Énergie, la radio des stars. Moi-même, travaillant avec Madonna toutes les semaines, je sais ce que c'est. Avec Madonna? Quoi? Autant pour moi, c'est Mercotte, vous avez raison. Ben, faut dire, j'ai le même âge, j'ai le même physique, donc bon. Ouais, pas trop quand même. Non, pas trop. Allô? Ah, non, non, les conneries. Salut, c'est Patrick Sébastien, ça va les gars? Ça va, je voulais vous dire, Coé sur Énergie, c'est que de l'amour, j'adore ce qu'il fait ce mec-là. Mais bon, faudrait lui dire qu'il arrête de partir, revenir, vous voyez ce que je veux dire? Parce que s'il avance et il recule. Non, oh putain, ça me donne une idée de chanson. Non, je vous l'ai fait. Et si tu avances, tu recules. Non, comment ça va? Merci, Patrick. Au revoir. Bah, tant pis, bon voilà. Fort sur Énergie. Vous êtes invité à la Énergie Live Session de Kenji. C'est Kenji sur Énergie. Pour la sortie de mon nouvel album, j'ai décidé de faire un truc de dingue. J'invite 150 auditeurs d'Énergie pour embarquer sur une péniche sur la scène et on se fait un petit concert tranquille. Oh, vous êtes des ouf. Pour gagner vos invitations, écoutez Énergie et gagnez vos places toute la journée. La Énergie Live Session de Kenji. Le 31 août. Un événement Énergie. Hit Music Only. Le jeu occasion. Allez-y, les yeux fermés. Citadine SUV. Essence diesel électrique. Récente ou plus âgée. De la marque Peugeot ou pas. Chez Peugeot Occasion, avec plus de 20 000 véhicules toutes marques en stock, le choix est adapté à vos envies. En ce moment, bénéficiez de l'éco-reprise Peugeot de 1 000 euros sur une sélection de véhicules sous condition de reprise, cumulable avec la prime à la conversion de l'État jusqu'à 2 000 euros. Conditions en point de vente ou sur occasiondulion.com. Ceci n'est pas le bruit strident des klaxons dans les embouteillages du dernier samedi d'août. Ceci n'est pas non plus le bruit du sac de course qui se déchire alors que vous êtes au milieu de votre rue. Ça, c'est le bruit que fait un colis Amazon lorsque vos achats arrivent directement chez vous. En ce moment, ce sont les ventes flash de la rentrée. Pour l'école ou la maison, tout ce qu'il vous faut est sur Amazon. Amazon, faites la paix avec la rentrée. Cette offre est valable jusqu'au 5 septembre sur une sélection d'articles de rentrée. Les conditions sont sur Amazon.fr. Dis maman, ça veut dire quoi une rentrée orchestra ordinaire? Pour moi, c'est que chez Orchestra, les jeans sont à partir de 5 euros, les t-shirts sequins magiques à partir de 6,50 euros, et que la carte club, qui permet d'avoir moins 50% toute l'année, est à 10 euros au lieu de 30. C'est orchestra ordinaire! Orchestra, mode enfant, maternité, puériculture. Modalité en magasin et sur orchestra.com. Leclerc. Chérie, c'est pas ça l'ardoise sur la liste de Thibault? Une ardoise bique, effaçable à sec, avec le feutre et des facettes? Parce que là, tu as du ticket Leclerc. Ah oui, si, c'est ça. Avec une face blanche et une face quadrillée. Oui, c'est ça. Et 1,30€ avec en plus du ticket Leclerc. J'adore. Du 7 août au 8 septembre, c'est la rentrée chez Leclerc. L'ardoise effaçable à sec, bique, une face blanche, une face quadrillée, avec feutre et facettes, est à 1,30€. Avec en plus 35 centimes en ticket Leclerc. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Elle est très très bien cette ardoise. L'ardoise avec du ticket Leclerc.

overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody now. Someone to help me out. I need somebody. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Bienvenue sur Énergie. Moi j'ai déjà mis mon blouson, je suis prêt à descendre. Ah, je croyais que t'avais froid. Ah non, non, moi je danse. 3 minutes, nous descendons dans le studio au moins un, studio public où il y a déjà le public qui est en place et tout. Vous voulez faire partie de l'émission, vous voulez être avec nous, vous voulez voir les stars. N'oubliez pas que demain il y a Jane qui sera avec nous. Si vous voulez voir plus plein d'invités de surprises qui arrivent demain en exclu, je vais vous offrir les invitations pour le concert très privé d'Ariana Grande. Ça va se passer demain. Demain encore, il y aura 17h30, 10 000 euros à gagner si vous trouvez la bonne personne au cache-cache. Inscrivez-vous. 7, 10, 12 en envoyant Coé par SMS. Je sais que ça cartonne et vous allez être nombreux, peut-être, j'espère, à prendre 10 000 euros, voire beaucoup d'argent tous les jours. Attention, il est temps maintenant de revenir sur l'affaire de cet été. P2O. P2O. Comme elle est pas crédible. Le duc, genre, c'est son poteau, tu sais, P2O. Mais comme elle est pas crédible. Alors que dans un instant, nous parlerons d'une autre affaire, hein, très importante. Hein. Laquelle ? Nabila et Thomas se sont fiancés. Non. Effectivement. Si, si, c'est bagé. C'est la nuit. Fallait que je la vende comme ça parce que si l'info dont tout le monde se fout, c'est pas très vendeur. Donc je la vends, j'essaie de la faire vivre. La vendre du mieux possible. Donc oui. Oui, cet été, les deux se sont un petit peu battus. Hein. Ah, tu peux les voilà, tiens, quoi, tu m'as envoyé du Kouros, je t'envoie du Fahrenheit. Ils sont chamaillés. Eh bien, voici maintenant le temps de la compile, puisqu'il y a une compile pour les deux. C'est important tout ça. Il y a d'abord la chanson dans cette compile que Booba a chantée à tous ses potes quand il a vu Caris débarquer à l'aéroport. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus seul, plus tous ceux qui sont seuls. Alors, pour éviter que Caris se prenne des patates, Willy William, lui, avait envoyé sa chanson. Fais bouger la tête. Fais bouger la tête. Mais apparemment, Caris n'a pas écouté ses conseils de Willy William, puisque d'après la vidéo, on l'a bien regardé, oui. Il en a pris une. À droite. Et il en a pris une. À gauche. Et il en a pris une. En bas. Et puis une. Que bon. Heureusement, pour calmer ses hématomes, il a pu compter sur son pote Jeffrey. C'est lui qui l'a aidé.

Je me suis dit, je descends avec le conducteur tout de l'émission parce qu'on l'a travaillé, enfin surtout l'équipe, et je me suis rendu compte que, pris d'émotion. T'as tout laissé. J'ai tout pensé à tout. Mais t'avais que ça à prendre. Non, vous savez quoi? J'ai pensé au primordial. Lunettes de soleil. Ah oui. Téléphone. Ah, ça, c'est essentiel. Téléphone de bord. Et ton Mars. Non. Et mon casque. Et la béquille. C'est quoi cette histoire, Coco? Pourquoi t'as une béquille? Alors, dans l'émission, nous allons parler tout à l'heure de éventuellement ou vos galères de vacances ou vos très bonnes vacances. Le numéro de téléphone 0800 70 42 48. Vous nous passez un coup de fil ou alors vous allez sur koyatenergie.com. Nous reviendrons donc sur tous les bons moments de vos vacances. Évidemment, nous parlerons peut-être des nôtres. Et oui, je me suis fait un. J'expliquerai tout à l'heure. D'accord. Je me suis fait un claquage. Oh! Mais c'est les sportifs normalement? Oui, normalement, pour avoir un claquage, il faut faire du sport. Oui. Ah, les connards. C'est pas faux. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure comment c'est arrivé. Mais c'est la preuve que ça peut donc arriver bêtement. Hein. Ah, bah oui, je me dis. Voilà, bah là, pour ça, le coup. Ouais. Mais ça fait très très mal. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux? Quoi? Je te montre juste que t'as le conducteur. Voilà. Tu veux parler avec plus de voix, s'il te plaît? Je te montre le conducteur. Parce que là, on a l'impression que tu t'es mis en mode je veux pas déranger les voisins, il est 23h30. En mode avion. Voilà. Il est en mode avion. Le mec, il s'est mis en mode je mets que des basses, je mets pas d'aigu. Non, mais ta gueule, mode. Tu parles comme ça, ta nana? J'ai dit un peu de réquisition à manger parce que je reste. Très bizarre cette voix. Ouais, c'est étrange. Bon, en attendant, ça va le public? Est-ce que vous êtes en forme? Ouais! Ça me fait énormément plaisir de vous voir. Vous m'avez manqué. Je vois des têtes nouvelles. Je vois des têtes que je connais. Je vois des têtes que j'ai peut-être trop vues. Je vois des têtes que je ne connais de trop. Non, mais vous savez quoi? C'est génial d'avoir un public fidèle qui vous suit de radio en radio. Oui. Et ce qu'il y a de bien avec moi, je vous assure que c'est un truc qui est assez rare. C'est que le public ici, il peut venir fin juin. Il reste un an, c'est moi qui reviens. C'est vrai en plus. C'est ça qui est rare. Restez en place, je reviens. Mais oui, les gens ils se disent, partez monsieur, c'est l'été. Oh, il va revenir dans un an. J'attendrai. Moi j'attends. Oh, j'attends, je ne bouge plus. Là, il paraît qu'il y en a dans les autres radios que j'ai fait. Il dit non, il reviendra. On va attendre longtemps là. Je vais l'attendre. Souffle, qu'est-ce qu'on va faire dans l'émission? Attends, mais j'ai plus mes papiers non plus. Ah bah voilà, la production de l'émission. C'est la première, c'est bon. On ira faire petit bisou à tous les gens. On parlera de Fort Boyard aussi. Ah oui, ça c'est un document exclusif. Je sais que vous m'avez beaucoup vanné cet été sur Fort Boyard. Je vais être honnête avec vous. Les grands fans sur Twitter, et d'ailleurs je vous dis merci parce qu'on est numéro 1 d'été France, avec le hashtag Koé revient sur énergie, donc merci à vous. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et donc, il y avait les fans adorables, comme toujours, qui je voyais passer les messages, qui disaient waouh, ouais, Koé, Fort Boyard, génial et tout. Et il y avait les autres, beaucoup plus réalistes. Ah, tu as les premiers degrés. Qui disaient bah, dis donc, tu branles rien. Et donc. C'est la vérité en même temps. Ce qui est absolument vrai. Donc, nous en parlerons tout à l'heure, et Miko a ressorti donc, des sons de l'émission. Oui. Vous êtes peut-être passé à côté. C'est allé un petit peu vite. Voici Jane sur Énergie qui sera avec nous demain. Elle sera notre invitée. Elle sera ici en live. Vous voulez la voir? Vous voulez être avec nous? koepublic@energie.com. To look down at you. Things gonna be sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be up. Croyez pas que ce que vous avez entendu entre le jingle et Jane était un micro blanc. Non. Il s'agissait d'une nouvelle façon de faire de la radio où on vous repose vos oreilles par moment parce que... On laisse respirer. Voilà. Je vais te laisser respirer ton salaire. Et tu diras à ton banquier, j'ai moins gagné ce mois-ci, bah, il m'a laissé respirer ma fiche de paye. C'est un grand bol d'air. Puis, premier jour, bim. Bon, merci de nous avoir rejoints. Merci d'être avec nous. On est en première position, TT ouais. France. Et alors, pour la peine, on va relancer le follow and follow. C'est un truc qu'on faisait il y a quelques années. Et on va le faire sur Instagram. Parce c'est que ça. Vous êtes nombreux à me dire quand est-ce que tu nous suis sur Insta. Et sur Insta, je ne suis personne. Donc, okay. Ce que je vais faire bientôt, on fera le follow and follow. Le principe, c'est simple, je poserai des questions sur des membres de l'équipe. C'est ça. Et à la fin, si vous répondez bien et simplement, chaque membre vous suivra sur Insta. Et y compris moi. Si vous vous trompez sur la dernière question, on vous donne follow tous. Oh, c'est dur. Genre, vous y êtes, vous, l'ascenseur émotionnel. Vous y êtes, et puis. Il n'y a plus personne. Ah, vous y êtes plus. C'est dur. Voilà, suivez-moi sur Insta, c'est Coé officiel. Sur Twitter, c'est Coé officiel. Sur Snap, c'est pareil, sauf sur Snap où c'est Coé off. Voilà, tu as raison. Et sur Facebook, c'est Coé officiel. Et tout à l'heure, on fera un Facebook Live pour vous montrer ce magnifique studio. C'est beau, parce que, hein, je vais vous dire, il était déjà très beau quand j'étais là il y a un an. Mmh. Ouais. Mais là, je sais pas si vous avez changé les ampoules, non? C'est des LED? Hein, ça change. C'est des LED. C'est mieux, LED. C'est des LED, c'est ça. Ouais. C'est plus économique. Non, mais c'est beau, c'est très beau. Il y a des. Vous avez fait du tuning? Parce que on dirait un studio tuning. On a. Ah, regarde. Oh, la vache. On dirait un concours d'infrabasse. Ah ouais, c'est beau. Wow. Stroboscope. Ah la vache. C'est bien ça. Hey, wow. Concours d'infrabasse à Douai un samedi soir. Là, les gars. Olivier. Il y a des gars qui vont nous appeler, vont dire je veux le même sous ma Ford Fiesta. Je veux le même. Dans quelques minutes, nous aurons donc en exclusivité, nous reviendrons sur Fort Boyard. Nous aurons le jeu Passe à ton voisin. Vous ne savez pas ce que c'est, mais en gros, appelez-nous 0800 70 42 48. Si vous êtes dans les bouchons, vous êtes dans une voiture, vous êtes dans un endroit où il y a du monde, le principe sera simple, il faudra répondre et passer à votre voisin. Plus il y a de monde autour de vous, plus vous gagnerez des beaux cadeaux. On a des cadeaux de malade. Ouais. C'est vrai que c'est un pack VR PS4 Pro à gagner. Ouais, attendez, non mais dis les cadeaux de la semaine. Wow. Ah, mais c'est incroyable. Alors smartphone Samsung Galaxy. Ouais. Là, c'est moins incroyable, mais. Non mais ça, il y a des plein de. Orthophonie à 17h. Deux TV LED, deux packs VR, iPad. Oui. Pourquoi tu me regardes comme mais ça? Parce que. Vas-y. Des écouteurs Bose. Des égoutteurs. C'est quand vous avez fait des pâtes. Tu les mets dedans, c'est nouveau. Tu mets tes nouilles dedans, tu scoops. Et plus tu scoops, plus t'as de la musique. Ouais, c'est nouveau, c'est beau ce qu'a fait c'est, ça. C'est pratique. Un égoutteur de caméra chez GoPro. Mais arrête. Et des enceintes Bose. Il y a des beaux cadeaux. Je te jure, tu commences comme ça, tu vas te la prendre. Wow. Ça commence, le ton est donné. C'est magique, il y a des cadeaux de dingue à gagner. Donc tout à l'heure, il y aura les sons de Fort Boyard. Pour revenir sur ce truc absolument incroyable, nous reviendrons sur vos vacances. Et puis dans un instant, on se pose la question de comment faire la promo de notre retour sur Énergie. Donc j'ai réfléchi à 2-3 solutions. Dans quelques minutes, je vous expliquerai. Je pense que le mieux, c'est d'appeler. On va essayer. Des supermarchés, vous savez, ils ont tous des micros. Oui, pour faire les annonces. Oui, ou dans les magasins Zara. Oui. Moi, j'adorerais que les mecs appuient en disant « Monsieur Coé de retour, Monsieur Coé de retour. » Tu l'as pas fait avant les vacances, ça? Si, je l'ai fait chez un Zara. Je vais chez un Zara, il n'y a pas de caissier. Bah, ça m'a tenté. J'ai quoi, tu t'es servi? J'ai pris le micro. Mais t'as pris le truc toi-même? J'ai dit, excusez-moi, je suis à la caisse, j'attends. J'aimerais bien payer. Et partir. C'est assez étonnant. On fait un bisou à vous deux. Passez-nous des gens au hasard. Eric, qui a 30 ans. Comment ça va, Eric? Eric! Ouais, je suis là, tu m'entends? Bah, bienvenue, Eric. Bienvenue. Comment ça va? Ah, ça va super bien, je suis tellement content de vous retrouver. Eh, mais vous avez fait quoi pendant un an? Vous étiez perdu dans la jungle? Dans la jungle? Dans la toundra? Vous êtes dans Fort Boyard ou quoi? C'est quoi le délire? Moi, je... Vous êtes trop manqué. Moi, on reparlera de Fort Boyard tout à l'heure. Ne me chauffez pas tout de suite avec ça. Donc, pendant un an, non, on est d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as fait pendant un an? Oui, moi, j'ai monté des écoles dans des régions reculées de... C'est pas facile. Hein, des formations. Je l'ai fait, mais en tout cas, on est très content de revenir et on a des surprises tout au long de l'année. Et je vous le dis, hein, Eric, je te le dis à toi aussi. Je vous le dis au public. Ouais. Et ce que je vous dis est solennel. Je suis pas venu ici pour enfiler des perles. Ah non mais là, je vous le dis, je suis pas venu pour que l'émission marche. Moi je suis venu pour que l'émission elle cartonne. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'il faut que tous les autres on les regarde d'en haut, genre Peter Pan au-dessus du village là qui regarde. Et on les voit plus, on les voit plus. Il y a là tout ça là, il faut hein. Hein? Non mais je vous le dis. Non, je suis d'accord. Il faut qu'on aille faire de la liposuccion aux autres radios. Il y en a qui ont déjà plus grand chose. On va les vider. Il faut qu'on y aille là. Ça pose sur les autres. Ah mais moi je veux souhaiter la bienvenue aux auditeurs d'RTL, là tout ça, qui viennent. Bienvenue à vous. Ah, bonjour. Il y a des radios, il y a plus grand monde à dire venez. Mais voilà. On va faire voiture balai et prendre les derniers. Ah mais moi je vous le dis, il faut que vous soyez tous avec nous 17h 20h sur Énergie. Le matin vous réveillerez avec Manu, après vous avez Eric Chaud, vous faites toute la radio. Oui. Voilà, comme ça c'est que de qualité. Je te fais un bisou Eric, je t'embrasse fort, à bientôt. Moi aussi je t'embrasse très fort. À bientôt. Ciao mon ami. Ciao, à bientôt. Vous avez pas rajouté des écrans dans ce studio? Je sais même plus lequel regarder. Si vous avez rajouté des écrans. Non, il y en a moins. Derrière toi. Non, il y en a plus. Si, il y en a plus derrière. Mais vous faites un darty le week-end? Vous vendez des écrans? On est au rayon il fait le bon point ici. J'ai l'impression qu'à tout moment il y a un mec qui va arriver avec un gilet rouge. Alors voici le Samsung. Dernier modèle, oui, parce que... Vous savez que si on donne cette idée au patron d'énergie, le week-end, il fait un darty, hein. 4K. Mais bon, alors là, ça se vend, c'est un écran, vous pouvez donner ça chez vous hein, pour les matchs de foot. On fait un bisou à Johanna qui a 26 ans. Ça va, ma petite Johanna? Ça va, et vous? Oui, Johanna, tu es en forme? Eh ben, je suis en super forme et je suis trop contente de vous retrouver. Oh. Franchement, c'était... je suis désolée de dire, moi, c'était une super surprise parce que je ne m'y attendais pas, en fait... Je squatte énergie depuis toujours et c'est vrai que pour moi, pendant un an, je t'ai plus entendue et là, bah t'en voilà. Donc franchement, je suis quand même une dingue. Oh, t'es gentille. Est-ce que tu connais tous les gens de l'équipe ou il y en a que tu connais pas? Tu peux me le dire, hein, je peux te les présenter. J'avoue que... Jeff, tu connais Jeff? Pas là, Jeff, oui. Jeff, Souf, tu connais, normal. Bon, Stouff, tu connais. Bordas aussi. Stouff, elle était déjà au standard avec nous. Bordas, bon. Nico aussi, je connais parce qu'il était avec toi avant. Nico, bien allez, sûr. On a tu connais tout le monde alors? Il n'y a que moi. Et Bichette, non, tu connais pas? Non, Bichette, je connais pas. Voilà, c'est le réalisateur. Non, mais c'est normal, c'est le réalisateur de cette émission. Bah oui, bien sûr. Et il vient d'arriver avec nous, il vient d'arriver à Énergie, et voilà. Et pourquoi Bichette? Alors pourquoi Bichette? Alors, je vais te pose la question à Coco, tiens. Je vais te dire pourquoi Bichette, parce que est-ce que tu sais comment il s'appelle? Non, bah non, non, le connais pas. Bah non. Son vrai nom, et les plus vieux comprendront ce que je veux dire, il s'appelle Guillaume Durand. Merci infiniment. Comme le journaliste de télé. Et vous me voyez dans l'équipe en train de dire « Hey, Jeff, Stouff, Miko !» Guillaume Durand. C'est comme si j'avais un mec qui s'appelait Patrick Poivre d'Arvor. Tu peux pas, tu changes de nom. Ça fait pas de jeunes. Jeff, TPDA. Et comme à chaque fois que je lui faisais une vanne, il faisait une tête de victime. Oh, Bichette. Oui, c'est vrai, c'est parti de là. Ça. C'est devenu Bichette. C'était voilà. Ça. Mais ça fait un peu faible, ouais, comme ça. Tu le connais déjà? C'est bien, Bichette. Tu prends cher, là. C'est un faible. En même temps, n'écoute pas ce qu'elle dit, Bichette. Elle ne te connaît pas encore. Non, elle va te découvrir. Bisous, ma petite Johanna. Je t'embrasse fort. Bisous. Bisous, ma belle. Bienvenue sur Énergie. Reste avec nous dans un instant. On fait notre promo. J'appelle des magasins au hasard en France. C'est peut-être nous pour fêter notre plus belle promo. Et tous les soirs, soyez avec nous de 18h à 20h dans notre studio public. Comme le public qu'il y a ici, ils ont du champagne. On leur a distribué des clés de Ferrari. Ah, c'est vrai. Si, je vous entraîne, vous savez pas mentir. A tout de suite. Gagnez la somme folle de 50 000 euros avec la playlist suprême sur Énergie. La playlist suprême, c'est Jane, Divaphone, Alvaro Soler, Eddie de Preto, David Guetta. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, dans les jours qui viennent. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme incroyable de 50 000 euros. La playlist suprême. C'est une exclusivité Énergie. On en parle. Il y a des sujets auxquels on n'aime pas penser, mais qu'il est important d'aborder. Le décès prématuré d'un proche, par exemple. On en parle aujourd'hui avec le Crédit Agricole. Écoutons d'abord le témoignage de Julie. Il y a quelques années, j'ai perdu mon mari. Brutalement, ça a été un choc terrible. On était jeunes parents, on pensait pas du tout que ça pouvait nous arriver. Et du jour au lendemain, j'ai dû tout assumer avec mon salaire, l'éducation de notre enfant et toutes les dépenses du quotidien.

matinée dans les vapes. Un après-midi interminable avec des profs ou des collègues relous que vous avez fait semblant d'écouter et vous voilà dans les transports. Là, vous vous dites que c'est vraiment une journée de merde. Mais ça, c'était avant. Car aujourd'hui, Coé sur Énergie de 17h à 20h. Vous allez sauver votre journée. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. On est là. Bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous demain. Sera notre invité. Si vous avez envie de la voir, vous voulez la voir chanter en live, vous avez envie de l'entendre, venez nous voir dans le studio, inscrivez-vous, Coé Public at Virgin Radio. Oh, je l'ai dit! J'ai dit Virgin Radio, je l'ai dit! Non! Je le savais! Je le savais! Dégage! Je le savais, mais il fallait bien que je me trompe une fois! Bah oui, l'année dernière, tu disais énergie! J'ai bien dit 26 fois énergie sur mon ancienne radio, je peux bien dire une fois! Mais ici, t'es resté plus longtemps quand même! J'ai le droit! Mais non, t'as pas le droit, t'as vu les logos, regarde derrière toi! C'est marqué en gros, tu peux. Il y a ton nom partout! C'est vrai que là. C'est vénère! C'est vrai que. Non, mais là où je la rejoins. Oui. Faut être très con. Hein. Oui, oui, oui. C'est écrit partout. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas assez d'écran, ouais, Coco. Où t'as vu une étoile? Où? Non, mais vous savez quoi? En nous aussi, c'est deux étoiles d'abord. En fait, il faudrait que je parle en regardant les écrans. Mais oui. Face à la télé. Il faut qu'ils me mettent un logo devant mes yeux. Mais bah, t'en as en plus. T'en as en plus. C'est vrai qu'il me regarde, il fait bah t'en as devant toi. T'en as partout. T'en as partout. Tout le monde a l'air de dire que oui. Au plafond, les gars. Faites-moi au plafond. Au plafond. Au plafond. Vous voyez, comme ça, quand j'ai une idée, je suis pensé, je fais qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, énergie! Bim! Papier bien. Toilette, vous y avez pensé? Ouais. Tu vas faire une petite pause, tu déroules. Énergie, énergie, énergie. Énergie. J'ai peur pour l'appel promo, hein. Ça vient fait d'arriver maintenant. J'ai peur. Tu as raison. Qu'est-ce qu'on écoutera tout à l'heure? Que Black, on aura Maroon 5, Drake, très bien pour faire l'amour. C'est dommage, on est en émission. Drake. Qu'est-ce qu'on aura tout à l'heure? On aura Armin von Buren. Qu'est-ce que j'adore, Armin von Buren? J'adore Armin von Buren. Big Flo et Oli, j'adore ce titre aussi. Ouais, très bien. Que du bon. Je valide tout. Je valide tout. Bon, nous sommes de retour. Donc 17h, 20h. Sur Énergie. C'est écrit là. Partout c'est autour de écrit. Toi. Regarde. Tu peux pas le rater. Enfin. En plus, c'est vrai que là, c'est abusé quand même. Pour les gens qui ne connaissent pas encore l'équipe et qui ne connaissent pas Stouff. Oui. Est-ce que vous rendez compte du petit aperçu du personnage qu'ils ont eu en 30 secondes? En 2 secondes, ils ont vu ça, zéro respect. Tu serais dans une autre radio. T'aurais la co-animatrice qui dirait je pense que tu t'es trompé. Oui, c'est normal. On va mettre ça sur le compte du premier jour. Voilà, c'est normal, hein, c'est le stress. C'est ça. Et là, elle est en face de moi, premier jour. C'est écrit partout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Gros, que tu une étoile. Hé, hey, qu'est-ce que t'as vu? Il est myope, en plus il boite. C'est rien. Zéro respect. Cette émission n'aurait dû m'appeler zéro respect. Zéro respect. Mais pas envers les gens, envers nous-mêmes. Pas de respect envers moi. Bon, vous savez quoi? Il est temps maintenant de passer un petit coup de fil à des magasins. Ah. Est-ce qu'on est toujours en TT France? On est toujours numéro 1. Ah, ça fait plaisir. Nous reviendrons sur ce look de Koh-Lanta quand on Très bien. Pourquoi? Parce que pour le Facebook Live, dans une heure, on est en Facebook Live. Ouais. Je vous invite à regarder le look. Et ça s'appelle le style. T'as un mec, on dirait un joueur de rugby des années 80. On dirait le gars qui est Agassi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un style de festivalier, un peu underground, voilà. Festivalier, t'as pas fait un festival dans ta vie? Festival underground. Festivalier underground. Attends, je tue. Quoi? Bon, on appelle un supermarché. Je suis pas sûr, je vais être honnête avec vous, je suis pas sûr de trouver un supermarché qui a un micro. D'accord. Ils ont tous des micros maintenant. Normalement, oui. Au caisse? Ah oui, à la caisse. Normalement, oui. Janine, tu peux venir en caisse 2, s'il te plaît? J'adore ça. Quand j'étais... Le paquet de vagina, c'est combien? Tu sais que moi, c'était mon angoisse quand t'étais gamin. Ah, il n'y a pas le prix sur les préservatifs. J'ai demandé. Simone, préservatif, numéro 12. Oui, c'est pour le petit coup, Simone. Il est là. Mais je l'embrasse. Elle connaît votre papa, vous embrasse. Alors, oui, j'ai pas le prix. Mais si, tu le connais bien, il vient tous les jours. On va appeler. On va à Loche. Allez, on appelle un super Hugo, on peut faire de la pub. Allô? De Loche, bonjour, Delphine, à votre écoute. Bonjour, votre prénom? Oui, c'est Delphine, monsieur. Delphine Deloche. Bon, c'est marrant. Je m'appelle Coé. Enchanté, comment allez-vous? Oui, c'est pourquoi, monsieur? Alors, bah, je vois que vous êtes pressé. Je vous appelle parce que, voilà, on est de retour sur Énergie. Déjà, je voulais vous le dire. Oui. Voilà, je sens que vous partagez ma joie. Et j'avais besoin de vous. Voilà. Oh, bah, ça commence bien. La joie était partagée. Voilà. Je sens qu'elle a bloqué quand on a ri à Loche. Oui. Il devait en avoir marre de ces vannes. Je pense que c'est pas la première fois qu'on lui fait. Je pense que c'est comme les gens de mon cul, tu sais. Ah, ils en peuvent plus. Ils appellent quelqu'un, vous êtes Bernard de mon cul. Ah, oh, c'est bon. On en rappelle un autre. Bah, je vous passe Delphine Deloche. On est dans le 33. Reprenons les choses par ordre. Je veux donc ma pub. Super Red de Blondie, bonjour. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Coé. Enchantée, nous sommes sur Énergie. Bonjour. Vous avez une porte qui grince, je viendrai l'agresser la prochaine fois. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Inès. Inès, tout le monde va vous dire bonsoir Inès. 3, 4. Bonsoir Inès. Bonsoir. On marque un point. Inès, alors je vous explique. Je viens de redémarrer aujourd'hui sur Énergie. Donc mes amis d'Énergie vont faire beaucoup de promos, etc. Mais j'ai besoin de vous. Ah, tranquille, bien. On est en train de parler, monsieur. Salut, monsieur. Dites-moi. J'ai besoin de vous. Est-ce que vous avez un petit micro qui parle dans le magasin? Oui. Bon point, ça. Est-ce que vous pourriez passer un tout petit message sympa qui dit Coé de retour sur Énergie? Par exemple, je vous donne l'exemple, genre, chère cliente, sachez que Coé de retour sur Énergie, tous les jours de 17h à 20h, notez. D'accord. Tous les jours, donc de 17h à 20h. D'accord. Et là, après, vous improvisez, vous devriez écouter, c'est vachement bien. Oui, l'essayer, c'est l'adopter. Ouais, quand je l'écoute, je me tape des barres. Et pourtant, je suis genre coincé du cul. Enfin, vous voyez, ce que vous voulez. Il n'y a rien qui me fait rire d'habitude. Vous voyez, ce que vous voulez. Et j'ai une porte qui grince. Vous faites ce que vous voulez. Je fais ce que je veux. Oui. Allez-y. D'accord. Attention, je vous écoute. Oh, c'est génial. Cher client, Coé de 17 non, à 20. Non, madame, on fait une pause. Je m'appelle les Coé, c'est des trucs qu'on met quand il pleut. Qu'on roule en boule. Moi, c'est des trucs en boule qu'on met sur le ventre ou dans le dos. Moi, c'est Coé. Coé. Oui, mais comment vous dire? Bah, que c'est Coé, c'est pas Coé. Bah, attendez. Voilà. Je passe le collègue, peut-être qu'il sait pas. Ah, bah pas. Oui, si, c'est il sait pas dire Coé. Il est plus habilité à parler. Le collègue, bonjour, c'est Coé à l'appareil. C'est Coé. Ça va, magnifique, enchanté. Est-ce que. Ta collègue a voulu. On va se tutoyer. Hein, ta collègue a voulu passer un petit message, mais bon, elle a un peu ripé sur le cas. Ouais, j'ai bien entendu quand même, parce que voilà. J'étais à côté, c'était pas génial. Merci bien, beaucoup. On est d'accord. Alors, est-ce qu'elle pourrait dire Coé de retour sur Énergie, 17h-20h dans le magasin, cher client, voilà. Oh, bah, si tu veux, je vais te le faire. Voilà, un pot de yaourt, acheter une banane offerte, ce que tu veux. Donc, je dis quoi, du coup? Coé de retour sur Énergie, écoutez-le, 17h-20h, c'est super, c'est rigolo, tout ça. Ok, attention. Coé de retour sur Énergie de 17h à 20h. Écoutez, c'est très bien, génial. Allez-y. C'est bon rire. C'est bon rire. Allez-y. On sent qu'il y a de la conviction. On va pas la garder, mais bon. Il y avait de l'idée. Il y a du cœur. C'est quoi le prénom? Thomas. Thomas de quel magasin? Super U à Belinvelier. Eh bien d'accord. Belinvelier. Eh bien. T'as un trou perdu, mais bon. Attends, on va te faire une pub aussi. C'est quoi ton prénom? Thomas. Si jamais vous allez à Belinvelier, allez voir Thomas au Super U. Il est très sympa. Il est rigolo. C'est très très bien. C'est très bien. Salut Thomas, je te fais un bisou. Merci. À bientôt. Bravo. Salut Thomas. Merci à toi. Il est génial. Énorme. 17h-20h. C'est Kawaii sur Énergie. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sur 200, un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais j'suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage, mais j'suis sonné. Empoisonné, ah, entouré de traîtres, on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage, tout va trop vite pour moi, oui, Angela. N'en fais pas, genre, Angela. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sur 200, un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Elle me dit je t'aime mais j'suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage mais j'suis sonné. Sonné. Mon cœur est sous-zélé, donc ma relation est sur la sellette, n'est-ce pas? Elle nous porte l'œil, pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je ne veux pas que tu penses tout ça sur moi. Tu m'aimes ou pas? Oui, mais parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage, mais je suis sonné. Coé sur Énergie. Parlez, changez, dites-vous bonjour. Hashtag Coé revient sur Énergie, on est en public. Merci, merci. Si vous voulez être avec nous en public demain et dans les autres jours, inscrivez-vous coépublic@energie.com. Yes. Vous serez avec nous. Dans un instant, il y aura le pass à ton voisin. Inscrivez-vous au 0870 42 48. À gagner, il y aura un pack VR. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est PS4 bien. Pro. Ça, c'est très bien. Ça, c'est inscrivez-vous. Bien. Le principe est simple. Je vous pose des questions. Si vous avez la bonne réponse, vous passez à la personne d'à côté. Il faut qu'il y ait du monde autour de vous. Vous êtes en famille, vous êtes encore dans le bus, vous êtes dans le métro. Ah, même dehors. Ah, c'est n'importe qui. Ah, oui. Surtout dehors. Oui, ou à moins, moins que vous habitiez à 15. Oui. Mais pour l'instant, revenons sur la partie la plus sportive, j'ai envie de dire. Ah oui. L'événement de cet été. L'exploit. Bien supérieur au bleu champion du monde. Ah oui, c'est rien. Bien supérieur. Évidemment. Oh non. Voilà, rien que cette zig, ça me stresse. Fort Boyard. Sors. Nous, on était salauds parce qu'avec Miko, dès qu'il y avait quelqu'un qui le faisait, il était à peine rentré, on faisait Sors. Voilà, alors Miko, vous revenir sur ce passage, sur cette émission, parce que absolument. Vous avez peut-être raté donc des petits éléments. Absolument, on va revenir sur tes performances sportives de haut niveau dans Fort Boyard dans un instant. Mais ce qui est bien avec toi en tout cas, c'est que quand tu as quelqu'un qui fait un défi, tu sais l'encourager, bien ça, sûr. Ça fait plaisir, ça c'est gentil. Bah Eva, c'est Coé qui te parle. Tu peux faire un effort s'il te plaît. Là ça regarde, c'est ridicule là. Là ça marche. Bien. Ça c'est nul. Je fais quoi là? On te laisse là, bonne soirée. On l'a laissé, hein, parce qu'elle est toujours accrochée d'ailleurs. Bon, alors, il faut aussi saluer ton courage, parce que tu n'hésites pas à te sacrifier et à t'investir totalement. Et ça, ça fait plaisir. Il nous manque encore une clé. Je vais y aller, je vais y aller. Tu y vas? Il est allé. T'es chaud, t'es chaud. Bien sûr. T'es sûr? Bien sûr que oui. Tu prends un risque, hein? Bah, bien sûr que non, alors. Selon vous, de vos histoires, je veux descendre. Joker. Non. Il y a des gens qui ont fabriqué un joker. Il faut que ça serve. Et rien que le vent qui tire sur mon truc, je ne peux pas. Je veux descendre. Même pour les bonnes fées. Ah, ça. Mais les bonnes fées, je les adore. Je fais un chèque à la fin de l'émission. Vous savez quoi? Je me fais greffer un troisième bras pour prendre plus de boyards. Je les mets dans ma bouche. Je m'en mets dans les oreilles. Je m'en mets où vous voulez. Là où j'ai le droit de m'en mettre, je m'en mets. Mais je veux descendre. Je peux m'en aller. Je peux m'en aller. Voilà, on précise que t'étais sur la catapulte. Mais évidemment. Et là, je me suis fait défoncer sur Twitter. Sur Twitter, c'est normal. Ouais, tu vas au fort, tu fais même pas la catapulte. Mais fais chier, toi, mais bien sûr que non, je fais pas la catapulte. C'est là, toi, la catapulte. Tu connais beaucoup de gens qui, à 10h du mat, ont envie de se faire catapulter dans l'océan, toi. Bah, moi, je fais partie des gens qui n'ont pas envie. Ça est passé sous une motoculteur, j'ai pas envie. Voilà, c'est violent. Exactement. Je n'ai pas envie, je n'aime pas ça, je suis contre se faire catapulter. Mais tu as raison. Voilà, donc ce n'est pas naturel, déjà. Non, je n'ai pas voulu. Bon, on déconne, mais t'as quand même participé à des aventures. On te retrouve là dans ton magnifique costume de Spider-Man. Oh là là. Slash Teletubbies, ah ouais. Slash la denrée. Teletubbies, oui. Dans le truc de Spider-Man. Oh, alors écoutez bien à la maison, vous pouvez réagir avec le hashtag virilité. Bon, Coé, bonne chance à toi. Nous comptons sur toi. On est mal. Bon, allez, maintenant. Coco, ça va? Non. Je suis un télétobis dans l'échec. Je suis humilié. Un télétobis dans l'échec. Ouais. La tenue, t'allais très bien en tout cas. Ça ne va à perdre. Tu l'as gardé? Non, tu peux pas se garder, c'est collant après. Allez, encore un dernier. Alors là, on se retrouve dans le restaurant du chef Willy Revelli, bien dégueulasse, hein, qui nous a servi de la cervelle d'agneau cru. Oh. Et j'ai appris un truc, Coco, je te connais depuis 1994, je ne le savais pas. Alors vous allez manger ça, tous, un par un. Alors je sais, mon cher Coé, que vous êtes végétarien. C'est quoi cette arnaque? Vous le saviez, les gars, que Coco était végétarien? Eh bien oui, cette fois-là, j'ai décidé de devenir végétarien. Cette fois-là. Oh, les excuses pourries. Ah, mais évidemment, j'ai pas voulu manger de la, cervelle. Oui. Ah bah oui, qui c'est qui s'est tapé la cervelle crue en vomir? C'est Mimi. Et qui c'est qui s'est foutu de la gueule de Mimi? C'est Coco. Non mais c'est vrai les amis, j'étais vraiment pas bien. Le gars il me dit moi j'ai de la cervelle, non je suis végétarien. Vous avez vu, c'est passé crème. Ah mais c'est passé crème hein. C'est passé sur France 2, ni vu ni connu. Quoi? Il y a cru. Ils y ont cru, ils y ont cru. Ouais, après, écoute quand tu te fous de ma gueule quand je la bouffe moi la cervelle. Oui. Ah ça j'aime bien. Tout ce qui est vomi. Tout ce qui est vomi est resservi. Tout ce qui est vomi est resservi. Ah là, mais franchement, voilà, évidemment, je suis végétarien le temps d'un jeu. Je mais ne suis oui, pas végétarien dans la arnaqueur. On va se terminer avec un dernier son. Oui. Si vous avez un enregistreur cassette à l'époque, là, vous enregistrez tout de suite parce que c'est le vent du siècle, c'est un vent de force 15. C'est quand tu es face à Blanche. Je vous rends votre liberté. D'accord. Sinon, je pouvais rester 5 minutes de plus. Enfin, vous. Rejoignez votre équipe. Bien essayé. C'est plus un vent les gars, c'est un cyclone. Mistral. Voici Drake sur Énergie. Merci d'être avec nous. Dans un instant, le passe à ton voisin. Nouveau jeu à découvrir. C'est Drake? Ah oui. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. I'm down for y'all, look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny, I buy you champagne, but you love some Henny. Front of block like you Jenny. I know you special girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card in the code to the safe, code to the safe, code, code to the safe, safe. I show 'em how to network, but that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Et qui viendra ici dans le studio, qui fera un live avec nous. Et on aura plein d'autres surprises et plein d'autres artistes. Et demain, vous aurez la possibilité, vous allez peut-être gagner demain les invites pour aller voir en Ariana live Grande. Ariana Grande, ça se gagnera demain dans l'émission. Et toujours 10 000 euros à gagner. L'auditeur a gagné 1 000 euros tout à l'heure. Cache-cache. Au cache-cache, je vous réexplique la règle. Vous vous inscrivez jour et nuit, autant de fois que vous voulez. Vous inscrivez au 7-10-12. Vous envoyez Coé au début de votre SMS. Le principe est simple. Vous dites, vous mettez un petit bafouille, je veux jouer, rappelez-moi s'il vous plaît. Demain, je vous rappelle, choisissez une personne de l'équipe Chaque personne de l'équipe a une enveloppe. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et une personne a une enveloppe de 10 000 euros cash. Il y a aussi 1 000, il y a 2 000, il y a 3 000. Et donc, tout à l'heure, c'était 1 000. C'est beau quand même. C'est beau, c'est pas mal. Et l'auditeur premier était coup. Ouf, il a gagné, il a dit. Merci, bonsoir. C'est génial. Joie de vivre. C'est tout pour moi. Dans un instant, le passe à ton voisin. On a Sylvain qui va jouer avec nous. Sylvain, au passe à ton voisin, le principe est simple. Il est quelque part. Est-ce qu'il y a du monde autour de lui? C'est le moment de vérifier. Sylvain? Sylvain, bonjour. Salut Koé, salut toute l'équipe. Salut, Sylvain, est-ce qu'il y a du monde autour de toi, Sylvain? Ouais, il y a du monde. Ouais, bah, ils sont silencieux. Tu es où? Là, je suis au fast-food, là. D'accord, avec un copain. Il y a toujours du monde au fast-food. Ah, oui. Et dis-toi que plus tu vas attendre, plus il va y avoir de monde. Mais en attendant, je voudrais un moment d'émotion. Je voudrais que l'on écoute la vie pour ce qu'elle est, que l'on arrête le temps, que l'on stoppe les guerres et qu'on laisse voler les oiseaux. Bon, je ne sais pas où d'aller. Aller. Moi non plus. Et je voudrais que nous revenions sur ce moment d'amour. Philosophe de base. Oui, mais là, je ne me suis pas trompé de radio. Oui, c'est Nabila vrai. A été demandée en fiançailles par Thomas. Oh là là. Alors, je sais que vous êtes peut-être nombreux à vous dire, mais quel est le métier de Nabila? Bah voilà, être demandé en fiançailles, c'est un métier. Et donc, tout est partagé sur les réseaux sociaux. Je voudrais que nous ayons ce petit moment. Il n'y a pas de vanne. C'est juste le message qui a été passé. Bon, et ben, vous allez pas me croire, mais mon chéri m'a fait sa demande en mariage. Mariage. Oh. Là, c'est pas qu'elle a plus de réseau, c'est qu'elle pleure. C'est trop gros. Ah. C'est normal. Du coup, voilà, ben, il m'a fait sa demande, il m'a offert la bague et tout, et on a prévu une date pour notre mariage, donc je suis trop contente et tout, et je l'aime plus que tout, et franchement, ça me touche trop, et en fait. En fait, pour moi, c'est juste l'aboutissement de tellement d'épreuves qu'on a pu traverser. Moi, je m'emmerde. Donc, c'est long. C'est long. Mais elle est heureuse, c'est normal, elle a l'émotion. Il lui a offert une bague bizarre. Oui, normalement, c'est, oui. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Une nouvelle bouche aussi, non? Non. Je crois que ça allait avec. N'importe quoi. Non. Non, vous avez pas trouvé? Est-ce que lui a fait un gros bisou? Les amis, c'est pas grave de se faire refaire la bouche, c'est pas grave. Beaucoup de gens le font, mais vous êtes... Non, j'ai pas vu. Une bagage, une bouche offerte. Non, il y avait pas. Il y avait pas une OP chez Manège Magique, Manège à bijoux. Mon bouchon. Chez mon bouchon. Elle a maigri, c'est peut-être cet effet-là. C'est peut-être les joues creuses qui font ça. À d'autres. Non, mais non. Arrêtez. Mais quand tu maigris, t'as pas la bouche qui grossit. Non. C'est comme les seins. C'est pas parce que les femmes maigrissent souvent quand ça pousse, c'est parce qu'elles ont fait remettre. Oui. Mais c'est pas grave. Non, mais il y a pas. Non, c'est pas grave. Donc tu auras mariage. Ok, super. Non, c'est bien. Bah, il faudra faire des cadeaux. Et bah félicitations, parce qu'on rigole pas avec ça. Félicitations. Oui. Comme dirait Patrick, c'est que de l'amour. Et bah voilà. Qu'est-ce que tu offriras comme cadeau? Des couteaux. Non. A tout de suite. On revient dans un instant sur l'énergie. A tout de suite. Vous êtes invité à la Energy Live Session de Kenji. C'est Kenji sur Energy. Pour la sortie de mon nouvel album, j'ai décidé de faire un truc de dingue. J'invite 150 auditeurs d'Energy pour embarquer sur une péniche sur la scène et on se fait un petit concert tranquille. Oh, vous êtes où? Pour gagner vos invitations, écoutez Energy et gagnez vos places toute la journée. La Energy Live Session de Kenji. Le 31 août. Un événement Energy. Hit Music Only. Chérie, appelle les copains, on annule le barbecue. Je vais rendre les clés de la location. On rentre plus tôt que prévu. En moyenne, vous allez rentrer 10 fois plus vite de vacances en découvrant nos promotions. Jusqu'au 17 septembre, pendant la rentrée des prix bienfaits chez La Paire, la pose de votre cuisine est à 1 euro des 3000 euros d'achat de meubles de cuisine. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, vous fâchez pas. Moi fâché? Oui, non, parce qu'en ce moment, la barquette d'un kilo de viande hachée est à 5,79€, moins 20% de réduction. 5,79€ le kilo, pure invention, ouais. Ah non, pur bœuf, d'origine France, hein. Et ce sont les mêmes prix partout en France. Oh la vache. Oui, mais c'est du bœuf. On est mal, hein. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 20% de matière grasse sur produits finis, produits transformés en France. Offre valable jusqu'au mardi 4 septembre. Pour votre santé, bougez plus. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez vu? Depuis que vous vous êtes offert la très chic et ultra personnalisable Peugeot 108 avec toit découvrable et navigation sur écran tactile, vous avez beaucoup d'amis qui vous proposent une après-midi shopping au volant de votre 108. En ce moment, la Peugeot 108 est à partir de 7 990€. Offre non cumulable sous condition de reprise de votre véhicule, prime à la conversion de l'état déduit, détails sur offre.peugeot.fr. Chez Tati, la rentrée, c'est stylé. Chez Tati, t'as tout.

Bienvenue. Merci d'être avec nous sur Énergie. L'émission est un public Qu'est-ce qui se passe? Dis-le. Vas-y, dis. Dis. Eh bien, je vous le dis. Coé public. Énergie. Dis pourquoi t'as pas pu allumer ton micro. Alors, je sais pas pourquoi. Le bouton ne marche plus. Il a renversé. Le premier jour. Tu rigoles? Hein, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Alors, moi, j'ai vu une tache de café tomber malencontreusement sur ta place. Ah, moi, j'ai trouvé ça vraiment moche. Alors, il se trouve que ça fonctionnait très bien. Et il y a un technicien d'énergie que j'adore, que j'aime beaucoup. Qui est venu, ou Mathieu? Qui est venu et depuis ça ne marche plus. Ah, quel mytho. Alors, il se trouve que quelqu'un aurait fait tomber du café dessus. Non. Je ne sais pas qui. Et je sais ce que vous direz. Oui, je sais ce que vous dites dans le public. Il était à ma place, il avait ma tête. Mais c'est pas une preuve. C'est de long. Vous êtes loin, vous voyez pas très bien. Et c'est... Il y a du recul. Voilà. En fait, ça marchait trop bien. Voilà. J'ai essayé de dire. Oh, c'est un petit café. Ouais, voilà. Ah, il y avait un litre. Voilà. Avant le pass. Merci à quelqu'un. Avant le pass à ton voisin, je suis très heureux d'être avec vous. On est toujours en première position. Ouais. TT France, ça veut dire top tendance sur Twitter. On va relancer cette semaine donc le follow and follow, mais sur Insta, pour c'est que ça. Je vous suive sur Instagram. Ça va être bien ça. Comme ça, toute l'équipe va peut-être vous suivre. Mon Insta, c'est Coé officiel. On vous met également plein de stories, pas mal de choses. Bordas, qu'est-ce qu'il y a comme petite question, comme petit message? Il y a des questions sur des retours de jeu et de séquences. On y a marre. Roland Garros cette année, c'était dur ou pas? Mais arrête avec ça. Au niveau du match, t'as géré ou? Mickaël Yodra. Les gens ne comprennent pas. Bah, t'as un bandeau c'est pourri. La dalle. Voilà. Très bien ce bandana. On comprend pas non plus. Nous. T'as un bandeau à Koh Lanta sur un court de tennis, ça passe. Dans un studio, ça fait con. Bah oui, c'est arrêtez. C'est si tu transpires, mais c'est le style. Même étonnant que la sécu t'ait laissé passer. Mais bon. D'accord. Alors, il y a Margot qui nous demande si le Toc Toc Toc va revenir. Ah, le Toc Toc Toc, c'est sur notre chaîne YouTube. D'abord, vous savez que vous êtes plus de 3 millions sur ma chaîne YouTube à nous suivre. Et le Toc Toc Toc, c'est on prenait un artiste, on faisait un petit bout en voiture avec lui, on l'emmenait chez des. C'est ça. Chez des gens. Auditeurs, en ah, surprise. Oui. Eh bien. Non. Le suspense, c'est sûr. Si. On va le refaire et je sais que vous êtes déjà nombreux à m'envoyer des demandes, etc. Oui, nous referons le toc toc toc pour ramener des artistes chez vous à la maison et évidemment pour le filmer, etc. etc. Voilà, moi, alors, je me porte garant pour faire le tac tac tac si vous non, voulez. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est parti d'après. Ce sera après minuit, c'est ta vie perso et je veux pas que tu fasses. D'accord, ok. Je t'enverrai quand même la vidéo. C'est sur YouPorn. Moi, c'est sur ma chaîne. Le tac tac tac, c'est chez moi. Le tac tac tac, c'est. Ensuite, la plus grosse question, c'est est-ce que le super jeu va revenir? T'es très con, toi. Le super jeu. Ouais, c'est la plus grosse question. Oui, nous referons, mais d'une façon différente. Parce que. On verra. C'est un jeu qui coûte cher. Donc, oui, mais différemment, mais nous le referons. Mais on a plein d'autres nouvelles idées, comme ce nouveau jeu qui s'appelle Le Passe à ton voisin. Je prends Sylvain qui a dû manger 12 Big Mac depuis tout à l'heure. C'est vrai, il n'en peut plus. Sylvain, où est-ce que tu habites? J'habite à côté de Cognac. D'accord, très bien. La ville rêvée de Jeff. Ah oui, il y a Cognac et au fast-food, le mec, il a tout gagné. C'est ta vie, ça. Hein. J'adore. À toi. Autant on t'envoie à Vittel, t'as une dépression. Bah, ah, à je Cognac. Fais une fois, je me suis fait chier. À Evian. À Evian, les deux, là, tu le perds. Mais à Cognac. Voilà. Tu vas jouer avec nous. Le principe est simple, écoutez-moi bien parce que ce sera valable tous les jours. Tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute. Je pose une question. Si tu as la bonne réponse, tu passes le téléphone à ton voisin, que tu connais certainement pas. Je lui pose une question, il y répond. S'il répond, il passe le téléphone à encore quelqu'un d'autre. Le principe, d'accord. Je vais poser 4 questions. Si vous avez 3 bonnes réponses sur les 4, tu gagnes le pack VR PlayStation Pro Made in China, c'est qui ça. Est génial. Bien vendu. Oh, putain, cool. D'accord, Sylvain. Ah, faut pas que les gars se barrent avec mon portable, quoi. Alors, voilà. Tu mets le doigt dessus. Je te demanderai de faire comme dans les banques et de mettre une petite chaîne à ton portable. Comme dans les hôtels avec les télé. Le mec qui a pas confiance. Cling, cling, cling, cling, cling. Voici la première question. T'es prêt? Vas-y, je suis prêt. Cite-moi un joueur de l'équipe de France qui n'a joué aucun match du mondial. Oh. Ah, bah, hey, les gars, oh, c'est Adil Rami. Bien joué. Adil Rami, il a joué aucun match. Vrai, c'est vrai. C'est le gars, il a remonté les Champs-Elysées. Il était là. Il fait j'ai rien branlé, les gars. Mais je suis champion. Je suis champion. J'ai rien branlé, mais je suis champion du monde. T'as fait quelque chose? Rien! Pas d'échauffement! Pas rien! Rien! On s'en fout. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il nous écoutait beaucoup et des fois je l'ai comme en message, je lui fais un gros bisou à Grammy. Ah, tu le connais perso? Oui, il est pas perso, mais je sais qu'il écoute et il est très sympa. On l'embrasse. Voilà. Tu passes à ton voisin. Ok. Nous avons déjà une bonne réponse. J'ai quelqu'un au téléphone, faut répondre. C'est pas. C'est pour un jeu. Quelqu'un, c'est quoi? Un jeu, c'est énergie. Bah, je vous le passe. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous, il est sympa. Allô, bonjour, je m'appelle Coé, quel est votre prénom? Joëlan. Salut Joëlan. Vous êtes deux, Joël et Anne ou Joëlan? Non. Ils sont fusionnés. Je suis tout seul, ça va, je suis tout seul. Ils sont fusionnés. C'est Coé de la méthode Coé. C'est ça, Coé de la méthode Coé, oui. Et Coé de Coé, pas de vacances pour Coé. Ça va revenir. De Fort Boyard. Alors attention, là on est sur énergie, concentre-toi, voici la question. où avait lieu la Coupe du Monde de foot? En Russie. Eh bim, passe à ton voisin. Joli, allez, c'est bon. Joli. Si jamais la troisième question, si on a une réponse là, c'est gagné. Oui. Allô, bonjour. Oui. Vous êtes qui? Bonjour. Quel est votre prénom? Ça serait un jeu au téléphone, si vous pouvez. Ah, on est revenu au même. Gagne quoi, moi? Bah, je sais pas. Tu gagnes quoi? Allô? Oui, c'est quoi le prénom? C'est Mathieu. Ça va, Mathieu? On est d'accord que c'est un fast-food réservé aux hommes. Donc, on est d'accord. Hein. C'est un men fast-food, quoi. C'est une femme, c'est... tu rentres pas, toi. Voilà, d'accord. Okay. Non, mais... pas de courgettes ici. C'est un men chicken. C'est des trucs. Que des trucs entre mecs. Quel est le prénom? Mathieu. Mathieu. Mathieu. Oui, j'ai pas de mémoire sur les prénoms. Voici la question. Je t'ai pas présenté. Je m'appelle Coé, oui, Mathieu. Oui, je vais venir qui c'est. Ah, ah, Coé sur Virgin. Voilà. Ah, ah, mais oui. Non, mais il a raison. Il a raison. Non, il a pas raison. Il faut replacer l'église. Il a raison. Il faut remettre. C'est quoi, c'est pas ça? C'est non, sûr. C'est on vient de. Mais il peut pas. C'est ça. C'est repassé. Pas, souffle. Arrête de l'engueuler. On vient d'arriver aujourd'hui. Oui, d'accord, mais c'est pas ça. On est sur énergie maintenant. Voilà. Ah, d'accord. Mais c'est marrant parce que tu as un coé différent sur les personnes. Ah, c'est coé de tourner manège. Le mec a fait tellement de trucs dans sa vie. Ah, c'est coé de trisome avec my wife sur une corne. Attention, voici la question. Concentration, tu es prêt? Oh non. Quel joueur, et personne n'aide, quel joueur de l'équipe de France s'est fait gauler bourré au volant de sa voiture la semaine dernière? Hugo Lloris. C'est la troisième bonne réponse. Oui. Repasse le téléphone, voilà, à, repasse le téléphone à Sylvain, mais s'il ouais, te plaît. Il a qui le téléphone? C'est génial. C'est énorme. Allô? À qui est ce Samsung? Allô, Sylvain? Oui. C'est gagné, Sylvain. Tu gagnes ton pack de merde. A bientôt, mon Sylvain. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Un gros bisou. Est-ce que je fais une petite dédicace? Vas-y, fais-la, fais-la, fais-la. Alors, je fais une grosse dédicace à tous mes potes, Jojo, Popo, Strobi, Camille, à mes parents. Et je fais un gros bisou à ma copine et à mon fils qui est né samedi. Comment il s'appelle? Il s'appelle Elliot. C'est dommage, t'aurais dû l'appeler Popo, c'est classe. Pour un bébé, en plus, c'est souvent le cas. Gros bisous, je t'embrasse fort. Jouez avec nous, inscrivez-vous 0870-42-48. Inside their broken hearts they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away. We got together. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. There's nothing stronger than us. You've only just begun. No matter what they all say. In fear, we'll throw these chains off the fire to the sky. We'll keep the outside looking in. Des océans de roses, je rase les murs de simples choses, m'embrasse. Autour je trace ma terre brûlée, l'âme sous le feu pour faire le pas. Seuls les vrais, les frères sont là. C'est le jour du grand départ, tu verras, je suis pas venue pour te décevoir. Je sais bien, ça pourrait prendre des années pour rien, et puis tout pourrait bien s'effondrer demain. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Glisse-moi le secret dans les mains. Je veux vivre encore ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. Au-dessus des lignes, ici, ailleurs, je marche. sur le vide sans peur. Le sol crache toutes ses couleurs. Le sol tremble, pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. C'est Coé sur Énergie. Ah ouais, il marche vraiment plus le bouton. Ah oui, je viens de me souvenir. Ah, je crois que mon bouton est donc officiellement collé. Qui a fait tomber du café sur... Ressortez-moi les caméras. Je crois que c'est toi. Ah bah, non. Non, si. Quoi, je ne bois pas de commence café. Pas je suis, la mauvaise foi. Je suis végétarien, je l'ai dit dans Fort Boyard. C'est vrai. Mais quel mytho. Avec un aplomb fantastique. Je suis végétarien. C'est quoi le rapport avec le café? Eh ben, je suis caféinarien. Cafétaria. Je suis cafétaria. Je suis cafétaria. En attendant, je reçois plein de messages, plein de SMS, les amis. Je vais vous dire, cette émission, elle sent très très bon. En tout cas, celle-là, elle est bien. Plein de gens me disent qu'ils rigolent en nous écoutant. Plein de gens, vraiment, je suis très content. J'ai reçu un SMS de Cdiscount qui dit la fin de l'été. Moi, je voudrais bien bosser chez Cdiscount. Eh, tu reçois un SMS, la fin de l'été. La fin de l'été. Début de la en décembre, bientôt Noël. Ouais. À Pâques, ça sent le chocolat. C'est des clients, non? Au mois de juillet, alors ça pique le soleil. Non, je sais pas. Bon, on les embrasse, mais non. Mais parce que ça veut dire que je suis client, si oui, m'envoie oui. des SMS. Ah oui. Oui. Bim. Voilà. Tiens, remise de 30%. Je vais y aller. Bah, tu vois. Continuez l'émission. Je vais y aller. Continuez l'émission sans moi. À demain. À 30%, ça vaut le coup. Comment s'est passé l'été? C'est notre petit dossier que l'on va faire maintenant. Vous savez que c'est la dernière heure d'émission. C'est passé une vitesse. Je n'ai rien vu. C'est fou quand même. Je n'ai rien vu. Ça va, c'est incroyable. Je suis très très content de vous retrouver. On sera un Facebook Live vers 19h30. Ouais, c'est ça. Voilà, comme ça vous nous verrez. On fera de nouvelles séquences tout à l'heure. J'ai besoin. Il y a des nouveaux dans cette équipe, non? Qui n'a jamais été? Bichette, tu n'as jamais été sur Énergie? Non, jamais. Mico, non plus. C'est ma première fois. Eh bien, vous savez quoi? Nous ferons le concours de la première fois tout à l'heure. Oh. Pour voir si vous connaissez bien la maison dans laquelle vous êtes. Oui, bah oui, sauf. On vient d'arriver. Et on va checker la sécu aussi. Ah oui. Faut le faire. C'est vrai, on fera oui, ça. C'est important. Parce que je vous explique, par le passé, il se trouve que des fois, on voulait faire des choses peut-être, certes, un petit peu dangereuses. pas toujours très légales, certes. des fois, la sécurité d'énergie nous disait oui, mais non. Et donc, là, cette année, j'ai décidé de checker ce que l'on avait le droit de faire et de ne pas faire. Voilà, d'accord. Carré. D'accord, donc je repasserai un petit coup de fil tout à l'heure. C'est important parce qu'il faut partir de bon pied. Voilà, il faut voir comment ça se passe. Peut-être que des choses ont changé depuis l'année dernière. Peut-être que, totalement, j'ai le droit cette fois-ci d'immoler Jeff et de le faire traverser la rue. Oui, mais c'est vrai, mais si d'accord. On ne demande pas, on ne sait pas. Voilà, en lui balançant des grains de maïs, voir si ça fait du pop-corn. Mais bien sûr. Je propose d'essayer réellement. Bonne idée, bonne idée. C'est pas une si mauvaise idée que ça. D'être là, d'être là. On avait fait que des merguez une fois, bon, avec le pop-corn. Bon, je vais essayer que des. Mais si, ce serait marrant. On te met une tenue ignifugée. Ouais. Et on te colle plein petits grains de maïs. Et après, on met et le. Et on allume, voir si ça fait. C'est et on se met à côté con, et on essaie de les choper. Je. Benoît a 27 ans, il habite Nancy, c'est un dossier spécial été. Voir si votre été s'est bien passé. Ça va, Benoît? Salut Coé, ça va et vous? Oui, magnifique, Benoît. Est-ce que l'été s'est bien passé? Bah, l'été s'est super bien passé et je suis super content de vous réentendre. Je suis très content, nous aussi. Moi, nous, on est très content d'être là, on s'amuse beaucoup depuis tout à l'heure, je pense que ça s'entend. Ah oui. Qu'est-ce que tu oui. Attends, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui te. Mais laisse les faire. Benoît, excuse-moi, cette émission est en direct, il faut gérer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ben, si t'avais pas renversé ton café dans le matériel. Accusation. On ne serait pas obligé de changer. On n'accuse pas sans procès, monsieur. Messieurs les jurés. Renverser ton café. Moi? Non, il est tombé tout seul. Voilà, merci. Voilà. Déjà, mon client est innocent. Je suis cafétérien. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne bois pas de café. À la cafétérie. Non, bon, bah, vas-y, fais ton transfert. Je te dirai qui l'a fait, tu verras, c'est moche. Benoît, donc cet été, c'était comment? T'as fait quoi? Bah, c'était super sympa, bah, on est parti en vacances, tranquille. Le problème, moi, j'ai juste une galère. J'ai perdu mon permis, en fait. C'est embêtant. Bah, c'est super embêtant, parce qu'en bon, j'avais plus de points, tout ça. Et du coup. Perdu comme ça. Ah oui, je fais que tu l'as perdu parce que t'as plus de points. Non, j'ai perdu parce que j'ai fait des excès de vitesse et que du coup, j'ai plus de points. Pas bien. Mais du coup. En galère parce que je devais partir à Lyon pendant les vacances, enfin pour les vacances. Mais du coup, moi j'ai avec un pote, et le problème c'est que mon pote il a juste une voiture sans permis. Et bah, du coup, on a fait Nancy-Lyon en voiture sans permis. C'est long. Et mec, on a mis 14 heures. Hein. Oh putain! Ah ouais, t'as même pas le droit d'aller sur l'autoroute en plus. C'est long. Bah non, on a pas le droit du coup. C'est long. Mais c'est un scooter quoi. Ah non, mais c'est une tondeuse en plus, le truc là. Et ça va à combien? À 50 maxi? Je crois que ça va pas très vite. Bah, normalement, ça va à 70. Normalement, ouais, mais à deux dedans, c'est excusez-moi. Non, alors, je suis en train de faire des trucs. Non, 17h20, c'est pas toi, c'est moi. Déjà, c'est mes doigts. Et tes doigts, je te demanderai de les mettre dans ta poche pendant 5 minutes le temps qu'on finisse la conversation. Désolé, vos doigts sont cassés. Mais qu'il a des, mec, il a des doigts qui. C'est quoi ce bouton? Et si j'appuyais là? Qu'est-ce que c'est que ce bouton? C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? Non, faut que j'arrête d'y toucher. C'est quoi déjà l'horaire de l'émission? Je peux terminer avec Benoît? Autant pour moi. Merci. Donc, Benoît, 14h pour aller à Lyon. Ah ouais. Ouais, Nancy Lyon. Mon pauvre. Ah ouais, mais surtout que je restais que deux jours. Donc On est arrivé, on a fait un bisou à mamie, on est reparti. Aller-retour. Bon, et t'en es où du permis? Tu l'as plus du tout? Il est annulé? Comment ça se passe? Non, mais je l'ai plus parce que j'ai une suspension de permis par rapport au l'excès de vitesse là. Ouais, ouais. Bah, du coup, je vais le repasser quoi, j'ai pas le choix. Ah, tu dois le repasser? Ah ouais. Ouais. Oh, c'est tellement relou. C'est une tannée. Ah ouais. Oh, je te fais un gros bisou, Benoît, je t'embrasse. Il a plus de permis, il a plus de téléphone, il a plus de réseau, il a plus rien. À bientôt Benoît. Je vais reprendre des gens qui racontez-moi vos vacances. 0800 70 42 48. T'appelez-nous, passez-nous un petit coup de fil, j'ai envie de savoir. Voici l'un des DJ que j'adore, ce titre. Voici Armin van Buuren sur Énergie. J'adore. 17h 20h, c'est Coé sur Énergie. All we ever hear from you is blah blah blah. So all we ever do is go yeah yeah yeah. And we don't even care about say, 'cause it's yeah, yeah. Non, je suis désolé. Oh, ça va être tout neuf. Mais c'était déjà tout neuf. C'était neuf en fait. Le studio est neuf. Tout. Eh ben, il est re-neuf. Voilà. C'est bien. Il est re-neuf. Il est allez, on fait ça. Champagne. Non, les gars. Pourquoi il y a du café qui a coulé là? Hein? ce qu'il y avait dedans. Mais non, j'arrête pas de le dire. Faut pas boire, faut pas manger dans les studios. Je n'arrête pas de le dire. Mais je crois que c'est ton 5 ou 6e depuis que t'es sur Énergie. Mais sans blague. La prochaine fois que tu dis que c'est pas toi, enlève la moustache de café que t'as. Toute l'équipe est là. Miko est avec nous. Bordas nous fait tous les réseaux sociaux. On sera en Facebook Live dans quelques minutes. Et vous serez nombreux à nous regarder. Stouff qui est là pour hurler comme d'habitude et suivre le bon. Mais non, mais c'est pas vrai. Jeff, ça va mon Jeff? Ça va très bien. Bichette qui apprend la console de mixage, ça va? Je mets à température ambiante, c'est bon. Voilà, ouais, j'essaye. Très bien, bah, ça nous fait très plaisir que tu sois là aussi, ça se passera bien, tu vois. Ouais. Tout à l'heure, on appellera la sécurité pour voir ce que l'on a le droit de faire cette année ou pas. C'est très important, on va continuer les vacances de Fanny. Comment ça va Fanny? 27 ans à Bar-le-Duc, ça va ma chérie? Bonjour Coé, bonjour toute équipe. Bonjour Fanny. Fanny, je te présente le public, ils vont dire bonjour Fanny. 3, 4. Magnifique, on dirait une secte en fin de repas. Ça fait peur. Ça fait peur. Une secte qui a plus de jus, c'est bonjour Fanny. Ça va Fanny? La vie est belle? La vie est super belle, sauf que c'est la rentrée, mais ça, je sais. Donc ça va. C'est quand la rentrée officielle? Le 3, école. 3 septembre. 3 septembre? Oui. D'accord. Lundi prochain. Ok. Ah, c'est pas comme si j'avais deux enfants. Et que je devrais le savoir. Et je sais pas où ils sont. Le père indigne, c'est vrai où ils sont à cette heure-là? J'ai des enfants. Et plus de nouvelles depuis 3 semaines. Bon, et donc, alors, qu'est-ce que tu as fait cet été? Raconte-moi. Alors, moi, je suis partie dans le sud, près de Sainte-Maxime. Très bien. Et à Montrepot. Miko aussi. Et bien, avec Bichette. Bichette aussi. Une partie de l'équipe était à Sainte-Maxime. Oui. Oui. Bon, comme ça. C'est bizarre. En repérage. Ça s'est bien passé ou pas? Eh bien, écoute, au début, super, sauf que, à un moment, je me suis fait piquer par une méduse, en fait. Bah, même brûlée. Donc, mes potes ont tous voulu me pisser dessus. Mais non! C'est génial de te dire ça. C'est une idée reçue. Voilà, je me suis sentie un peu salaud au moment. Alors, là, je dois t'avouer. Mais ils l'ont fait ou pas? Ah non, ils l'ont pas fait parce que moi j'y croyais pas de toute façon. Alors, je vais te dire un truc, il y a une idée fausse qui a été dite pendant longtemps qu'on avait il fallait faire pipi dessus quand on était piqué par une méduse. Oui. Et c'est faux parce c'est que faux. Vous aggravez c'est la piqûre. C'est pas pipi qu'il faut faire. Non. Non, Johnny Depp, c'est rien de tout ça. Non. Mais je me dis, l'info est sortie depuis quelques temps où on dit que c'est faux. Ouais. Pensez. À tous les ceux à qui toutes ces personnes qui se sont fait faire pipi dessus par d'autres, gratuitement, à qui on vient de dire que ça marchait pas, l'humiliation. Ah mais complète, humiliée. Et ça va mieux la brûlure. J'ai bien fait de refuser. Mais tu as bien fait, bien sûr. La brûlure va mieux ou pas? Ah bah la brûlure va mieux. J'étais aux urgences et en fait il faut tout simplement une pommade en fait. Ben oui, voilà. Qui est un extrait de pipi concentré. Je te fais un gros bisou Fanny. Les vacances, vous étiez où Jeff? Moi j'étais en Bretagne. C'est bien. C'était super. Très bien. Sauf. Sud de la France. T'es bien aussi? Très bien. Miko, Sainte-Maxime, très bien, très sympathique. J'ai croisé Bichette. Pareil. Moi aussi en Bretagne. Bah d'accord, voilà. Très bien. Et moi j'étais faire un tour à Ibiza. On a vu ça. Et je fais un gros bisou à David Guetta et Bob Sinclair qui m'ont invité dans leur soirée et c'était vraiment magique. T'as été bien reçu. Hein. Ouais. Ouais, ils ont été adorables. Je me suis juste fait très mal là-bas. J'ai connu des hôpitaux. Sans déconner toi. Espagnols. Le mec il se fait mal partout. Ah c'est fantastique hein, tu fais Fort Boyard, il t'arrive à rien. Le mec qui est en vacances sur la plage, il se blesse. Claquage, c'est énorme. J'étais à l'hôpital Armin van Buren là, parce que les hôpitaux on est dans le DJ. Hein. Pas de basket, tu rentres pas. T'as un mec à l'entrée, t'as un physionomiste et tout. Et la salle d'opération c'est. Mais j'ai une bouteille à l'intérieur. Il y a une boule à facettes au plafond, il te voit dedans. Bon reste avec nous dans un instant. Nous prendrons les consignes de cette année. Savoir ce que nous avons le droit de faire ou pas. Nous aurons encore des mini dossiers et on aura le qui dit mieux. Je vous expliquerai ce que c'est dans quelques minutes. On entendra du Big Flo et Oli. Et pas mal de surprises, à tout de suite, on revient. Dès votre réveil, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonjour Séverine. Salut Manu. Quelle est ton histoire de vacances? Je suis partie au Maldives cet été, et donc baignade dans les eaux turquoises. Et au bout d'un moment, je me rends compte que j'avais autour de moi une quinzaine de petits requins. Oula. La grosse flip. Wow. Et t'es revenue à la nage et ça a été? Oui, du coup, puisque tu nous parles maintenant, forcément ça a été. Alors, je vous rappelle quelque chose d'important. Si jamais vous vous retrouvez dans la mer avec des requins, la seule astuce vraiment à avoir, c'est nager plus vite que quelqu'un. Manu dans le 6-9. Manu. 6h-9h30 sur Énergie. Salut, c'est Aymeric. Comme vous, j'adore l'été, les soirées, les potes, les barbecues, les apéros en famille et Sam. Et cet été, Sam, c'est moi. Je le dis haut et fort et surtout, je le dis avant de partir en soirée. Comme ça, on ne se demande pas qui conduit au moment de rentrer. Mais cet été, je m'engage à être ce héros indispensable. Celui qui fait la fête sans alcool, reste clair et ramène ses amis sains et saufs.

Joey est un ancien. Il a vécu toutes les guerres. Les guerres de Booba. Booba Lafouine, Booba Gims, Booba Caris. Je sais pas si on les étudie, celles-là, à l'école. 17h-20h. Oui. C'est Coé sur Énergie. En public avec vous. Venez nous voir dans le studio. Inscrivez-vous à Coé Public at énergie.com. Coé at énergie.com aussi. Vous allez sur mon Facebook, Coé Officiel. Vous laissez plein de messages. Vous allez dans les messages. On lit tout. On lit tout sur tous les comptes. Voilà, on est toujours en TT France. Merci beaucoup. Hashtag Coé revient sur Énergie. Reviens. C'est ça. Tiens, on va faire un tour dans le public. J'ai envie qu'on dise bonjour. Voilà, on va faire une séquence une fois de temps en temps. C'est je suis dans le public. Attends, excuse-moi, mais il y aura vraiment du public tous les soirs ? Tous les soirs. Ah ouais, tous les soirs. Tous les 18h, 20h. Première partie, before à 17h, 18h en public. Voilà, c'est énorme. Toujours les mêmes. Voilà. Tiens, on va faire le je suis dans le public et. Eh ben, je suis. Et bonjour d'abord. Et je suis mal poli. Voilà. Et je ne dis pas bonjour. Alors, déjà. On ne vous entend pas, pardon ? Vous m'entendez là ? Oui. Oui. Ouais, c'est bon. Oui. Et je suis. Engueulez-moi aussi. Non, mais vous avez des cailloux pour me les balancer ou pas ? Mais elle a raison. Les chaussures. Et bah balance. Zéro respect. L'émission au pire. En même temps, tu lui dis je suis dans le public et. Donc elle te répond et elle finit. Bah elle aurait pu dire et bonjour Sébastien. Ah oui. Bonjour Sébastien. Ah bah voilà. C'est trop tard, c'est réchauffé. Quel est ton prénom ? Nadège. Donc Nadège est dans le public et. Et bah en fait, je voulais vous faire une surprise. Que tu lui souhaites un joyeux anniversaire. Ton fils, c'est l'anniversaire de ton fils ? Oui. Quel âge il a ? 10 ans. 10 ans, comment il s'appelle ? Raphaël. Viens faire un bisou, Raphaël. Bon anniversaire, Raphaël. Viens, viens, viens. Ça va, Raphaël ? Ça va bien ? Parle dans le micro. Ça oui. 10 ans aujourd'hui ? Oui. Ah, c'est top. Tu habites où, Raphaël ? À Louveciennes. À Louveciennes ? À Louveciennes. D'accord, c'est en région parisienne ? Ouais. D'accord, tout se passe bien ? Les vacances, oui. C'était bien. Il a l'air impressionné, oui. Hein. Ouais. Je te fais peur. Ouais, j'ai l'impression. Oui, il a peur. Oui. Oui. Le mec, il est en dessous de toi, il voit que tes narines. Il me regarde. Je te fais pas flipper. Non, mais en même temps, tu le tiens par l'épaule, genre bouge pas, quoi. Ouais. Ça, tu l'as un peu verrouillé, là. Parce que je veux qu'il reste devant le micro, bouge pas. Ouais. Parle là. Détends-toi. Là. Là, je te dis. Quoi ? Pas dans les yeux, regarde. Mais arrête ! J'ai un dessin en plus pour vous. Oh, pour vous ! Je te vous vois, c'est mignon. Tu me dis pour toi déjà. Oui, pour toi. Ouais, il est où ce dessin ? Ici. Ici où ? Ouais. À ta place. Oh là là, c'est bien. Ah là, attends, mais je regarde. Alors, vas-y. Comment ? Tu dis la vérité, Coco. Je dis la vérité ? Ouais. Non. Non. Si, la vérité, non. La vérité. Alors, quoi qu'il arrive, non ? C'est très beau. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Parle là-dedans, vas-y. Pour le groupe d'énergie. Le groupe d'énergie? Attends, ça c'est moi? Oui, ça c'est moi. C'est bien fait. Okay. Hein. Arrête, tu peux m'expliquer ans, pourquoi que tu me dis j'ai fait un dessin, tu m'as représenté en Casimir. Le monstre gentil. C'est vrai que ça se ressemble. Le gros bonhomme orange. Je savais pas que t'avais fait ça aussi. Mais pourquoi? C'est quoi de Casimir? Pourquoi parce Casimir que, parce qu'Angélique m'a dit de le faire. Ah, c'est un magique dessin. Ça, pour le logo énergie, très bien. Ça leur fera plaisir, je donnerai à toute l'équipe. Bien d'accord en plus, hein. Ok. Tu voudras des autographes de tous les animateurs d'énergie? Oui. Eh ben, je m'en occuperai. Tu sais quoi, Stouff? T'as un budget? Oui. Tu feras tourner ce dessin et tu demanderas à tous les animateurs d'énergie. Mais arrête de vouloir piquer mon dessin, toi. Depuis tout à l'heure, il essaie de piquer mon dessin. Tu t'appelles Coé? Non. Eh ben, pique pas le dessin. Voilà. Oh. C'est le dessin de mon copain, il l'a fait pour moi. T'en veux un? T'as qu'à voir ton anniversaire. Donc, tu le feras signer à tous les animateurs d'énergie. Je te ferai Manu, Coco. T'auras c'est quoi tu peux me rappeler le prénom de ton copain? Là? Je suis complètement bien. Mais c'est mon copain. C'est mon copain. C'est la mienne. Tu sais, je vais te dire un truc. Mon grand, ne vieillis jamais. Qui que tu sois. J'oublie les prénoms tout le temps. Ton prénom, c'est? Raphaël. Bien sûr. Raphaël, je te fais un gros bisou. Et encore une fois, bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Bravo. Vous savez quoi ? Moi, j'aurais eu son âge à 10 ans derrière un micro, j'aurais été meilleur que lui. Non, j'aurais été terrorisé. Voici Big Flo et Oli sur Énergie. Merci d'être avec nous. On va lui donner des cadeaux à mon Raphaël. Vous avez des compiles ? C'est fait pour. Il y a encore des jeunes qui lisent les CD ? Oui. Tu lis les CD ? T'as ça ? Je sais pas ce que c'est. Quoi, tiens. Mais si. Cadeau, on t'en donne tout Big ça. Big Flo et Oli. Coé. Tu connais, non ? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir, on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez. On dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues. Plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires. Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. M'a dit, t'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes, allez sors de ma vie. De toute façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses. La nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. D'Ariana Grande, demain, vous allez pouvoir gagner la possibilité d'aller voir en concert très, très, très, très, très privé Ariana Grande. À Londres. C'est bon cette histoire. À Londres. Oui. Ah, je croyais que c'était chez moi. J'avais commencé à ranger le salon. Ah, c'est à Londres. Oh mince. Ça serait bien. Ça. Oh, tant pis, ce sera pas pour cette fois-là. Ah, on a un très bon public aujourd'hui. Demain, ouais. On aura aussi. Oh, je suis. Pas que le public de demain soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont très bien. On a tout dans le public. On a des jeunes, on a des moustachus, on a un mec déguisé en Flash dans le fond là. Un t-shirt, ah ouais, j'avais pas ah vu, oui, hein. Un t-shirt DC Comics. Ah, ouais, ah oui, autant quand t'as 14 ans, c'est bien, mais quand t'en as 26, c'est arrête. On a même une dame au premier rang, on dirait qu'elle. Bonjour, on dirait qu'elle avait rendez-vous à Nostalgie, mais qu'elle s'est trompée de studio. C'est vrai. Quel est votre quoi? Prénom? Votre prénom, non, si, elle si, peut si, pas si, parler. Elle peut pas. Votre prénom, il demande. Sécurité. Votre mémé, prénom. Il veut son, il veut ton prénom, mémé. Mémé. Mémé. Mémé. Oh, elle s'appelle Sandrine. Mais oui, mais oui. Bah mémé, c'est mieux. Bah, vous voulez voir Mike Brandt en interview? C'est au bout du couloir. On n'ose pas lui dire la nouvelle. Et Mike Brandt en interview? Bah non. Depuis, bon, on n'ose pas lui dire. Donc on l'a pris chez nous. Allez. Il est un peu de retard. Il va venir. On finit à 20h, mémé. C'est le nouvel horaire. Mais 20h, comme ça, 20h30 dodo. On n'en parle plus. Alors, attends. Dans les infos, on apprend qu'à Plougastel, dans le Côte d'Armor, Finistère, tout faux, il y avait trois, bon breton lui, une dauphine en rut. Vous savez que on a appris que les dauphins étaient des violeurs grâce à Orelsan. Eh bien, les dauphines lorsqu'elles sont en rut, c'est horrible. Pourquoi ? Pas les Miss, hein, les premières dauphines. Pas les Miss France. Les dauphines. Pas les voitures non plus. Hein. La femelle du dauphin. D'accord. Elle était en route et elle se frottait contre les embarcations, contre les jet skis et contre les personnes qui se baignent. Et il y a même eu. Non, mais c'est vrai. C'est chelou. Il y a même eu un dauphin qui empêchait de regagner le rivage à une nageuse. La nageuse, elle voulait revenir et le dauphin, il se frottait, il l'a même soulevé avec son nez, etc. Non ! Et c'est pas une blague, donc ils ont pris une. Voilà, donc il y a interdiction de la baignade parce qu'il y a ce dauphin qui se frotte un peu à tout le monde. Ah, là, c'est chaud quand même. Bah, bien sûr, ah ouais. Ouais. Moi, je vais vous dire, il faut créer le hashtag, hashtag balance ton dauphin. Ben oui. Moi, je m'adresse à Marlène Schiappa. Il faut qu'elle fasse une loi. Si un dauphin, même en rude, tu regardes de façon appuyée, bim! 40 sardines d'amande, un truc comme ça. Je suis Frottman. Je suis le dauphin qui se frotte. Voilà, bien. Vous avez vu, vous pouvez plus regarder maintenant. Ah non, la nouvelle loi. Oui, incroyable. Un regard appuyé, c'est 90 euros, c'est ça ? C'est 90 euros un regard appuyé sur une femme dans la rue. Ah, je croyais pour un dauphin. Non, mais ça. Non. On parlait des dauphins. Non, parce que déjà, verbaliser un mec dans la rue, alors va verbaliser un dauphin. Un dauphin, c'est chaud. Mais t'imagines un peu ? C'est vrai ? Mais oui, c'est vrai. Alors, c'est bien parce qu'il y a des mecs qui se comportaient mal avec les femmes. Mais quand même, malgré tout, tu regardes une femme. La femme, elle fait oh ! Regard appuyé. Elle va chercher un policier. Le policier, il arrive. Regard appuyé. Vous avez fait un regard appuyé, monsieur ? Bah non, j'ai fait. C'est quoi un regard appuyé ? Bah je sais pas, un regard appuyé. C'est quand tu fais les gros yeux. Je sais pas comment faire un regard appuyé. C'est vrai, c'est les gros yeux. Genre, tu regardes ton téléphone. Monsieur, il a appuyé votre regard. Les gros yeux, c'est un regard. Ou alors, tu t'appuies contre la personne, t'appuies ton regard. Je sais pas ce que c'est qu'un regard. T'appuies sur tes yeux comme ça. Je ne sais pas bien ce que c'est. Il n'y a pas de définition. T'imagines un policier ? Ah, c'est bizarre. Regard appuyé, peut-être. Déjà, ils m'ont emmerdé avec les mégots. Je sais pas quoi faire avec les regards appuyés. Chef, qu'est-ce que c'est un regard appuyé ? Je sais pas non plus. Revenez, dites que vous avez une urgence. 90 balles, hein. Bon, c'est tout, on fait quoi ? L'agent de sécu ? L'agent de sécu. On appelle Mehdi au standard ? Tout à fait. C'est ça, c'est celui qu'on le connaît. Oui, on connaît. C'est notre copain. Bah, justement, tu vas pouvoir tout lui poser. Ah, bah oui, je vais lui poser la question. C'est important, on vient de rentrer aujourd'hui. Sur énergie, c'est important de savoir ce que l'on a le droit de faire et de ne pas faire. Et sérieux et honnête. J'ai fait une liste. Allô. Allô, Mehdi, c'est Koé, ça va ? Oui, ça va et vous ? Magnifique, je t'ai croisé vite fait tout à l'heure là, t'étais très beau, tu as passé un très bel été, tu es magnifique. Merci. Toi aussi, ça te va très bien de revenir ici. Comment ? Toi aussi, ça te va très bien de revenir ici. Oh, merci, Mehdi, merci. Alors, dis-moi, tu sais, je voudrais. Je t'explique un truc. Comme on revient et que des fois par le passé. Il nous est arrivé de faire des choses qu'on n'avait pas forcément le droit de faire. Hein. Des fois, c'était compliqué. Ça, je m'en rappelle. Voilà. Bien. J'ai décidé, cette fois-ci, j'ai une liste d'idées qu'on voulait faire la semaine prochaine. Et tu me réponds par oui ou par non, tout simplement. Hein. Pas de souci. Si on a le droit de le faire, d'accord ? Ça, on sait faire. Ok, alors, écoute bien. Est-ce qu'on peut faire des happenings dehors dans la cour ? Non. Ah ouais. Je voulais faire venir une grue. Dans la rue. Non, impossible. Un saut en parachute avec arrivée sur la terrasse de Jean-Paul au 5e. Non. Ok. Est-ce qu'on peut jouer avec les extincteurs ? Ah. Non, pas du tout. Là. Ok. Est-ce qu'on peut faire un barbuck dans le studio ? Ah ouais. Non. Est-ce qu'on peut mettre Jeff tout nu ? Bon, ça oui. Non, ça, c'est pas la peine, ça. C'est pas la peine. Là, je le rejoins. Est-ce qu'on peut faire rentrer un lion dans le studio ? Ça, oui. Non. Un chat ? Non plus. Un phasme ? Non plus. Une panthère ? Est-ce que le public peut crier ? Non, ça fait trop de bruit. Ah, ok. Ouais. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, alors ? Oui, ça va aller plus vite. Bah, comme dans votre vidéo, vous faites des mi-cadeaux. Ok. Merci Mehdi. Génial. Merci Mehdi. Voilà. Ok. Bienvenue dans le Mikado Show. Donc, on va faire des Mikado. Voici Alvaro Soler. Merci, merci d'être là. Va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela. En la televisión, me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar, creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena. vamos a la playa para así practicar. Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Si travesito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura. C'est Coé sur Énergie. Bienvenue sur Énergie. Demain, 10 000 euros à gagner. Comme d'habitude, 10 000 euros à gagner. Je dis comme d'habitude, on ne l'a fait qu'aujourd'hui. Oui. Voilà, tous les jours. À partir d'aujourd'hui, ce sera une habitude. 17h30, vous vous inscrivez au 7, 10, 12. Vous mettez Coé au début de votre SMS. Demain, je vous appelle. Vous choisissez une personne de l'équipe. On est 6. Vous choisissez une personne. Il y a une enveloppe à 10 000 euros sur quelqu'un de l'équipe et puis d'autres enveloppes plus petites, mais il y a 10 000 euros à gagner demain. Jouez avec nous, ce sera demain 17h30. T'as chaud, Jeff? Oui, mais en fait, quand tu fais ça, ça rafraîchit, il faut faire bouffer le t-shirt. D'accord, moi je crois que tu te pinçais les tétons en fait. Non, c'est vrai. C'est vrai que vu d'ici, les gens ils regardent sur Facebook Live, on dirait que tu te dresses les tétons. On dirait une danseuse de l'Alcazar. Qui doit y aller sur scène. Petit poids, c'est vrai. Voilà, ça je dis bien, je suis bien. On fait un coucou parce que vous êtes nombreux à nous regarder sur le Facebook. Il y a le Facebook Coé officiel, le Facebook d'énergie, il y a les deux dessus. On vous fait un bisou, j'espère que tout va bien et que vous passez un bon moment et une belle soirée. Ça y est, on est là donc tous les jours de 17h à 20h. Je suis très content. Et c'est bientôt fini déjà. L'émission ? Je n'ai rien vu. Moi non plus. Je n'ai rien vu. C'est un truc de dingue. Tout à l'heure, nous aurons le grand test des deux petits nouveaux qui n'ont jamais bossé sur Énergie. Miko et Bichette, le réalisateur de l'émission. Tout à l'heure, nous verrons si vous êtes. Alors, non, je ne vais pas vous dire la règle du jeu parce que sinon vous allez vérifier. Ça va être facile, Non, je ne vous dis pas. Okay. Regarde pour moi. Bon, on pourra rester habillé. Oui. Ok. Ah, mais c'est fini tout ça, les gens tout nus. C'était avant, on n'a plus le droit maintenant. Sauf pour Jeff. On était jeunes. Non, non, justement, surtout pour Jeff. Mais allez, si, le gel. Non, je popcorn. En attendant, je fais un bisou à Quentin qui va jouer avec nous, qui a 24 ans. Ça va, Quentin? Salut, Coé. Salut, l'équipe. Salut, mon petit Quentin. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Quentin? Je travaille là cet été et puis j'attends de reprendre l'étude, l'école dès la semaine prochaine. Quoi. D'accord. C'est école de quoi? École d'architecture. Oh, bien. Oh là là. École d'architecture. T'as fini dans combien de temps? Là, il me reste la dernière année. Ah, c'est bien. Après, et après, tu peux te monter, tu vas dans un cabinet d'architecte ou tu deviens architecte toi-même à ton compte? Voilà, je vais essayer avant de faire un peu d'expérience dans un cabinet. Puis après, oui, bon, deux, trois, une petite cabane avant de le faire quand même. avant d'attaquer l'immeuble, fais-toi une cabane de jardin Ikea. Vas-y, vas-y doucement. Monte un lit. Bon, Quentin, t'as une fiancée? Non. Eh bien, sache que ça n'a aucun intérêt. Je sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Sache qu'on t'en offre une. Et ça nous fait plaisir. Voilà. Tous les jours, il y aura une meuf à gagner. Gagne ta fiancée. Non, tu vas jouer avec nous au Moulgassou. Le principe est. Ah, si! Oh non! Ah là là. Qu'est-ce que le Moulgassoum? Le Moulgassoum, le principe est simple. C'est un vieux jeu qu'on a inventé il y a des années qui consiste à se dire des mots qui ne doivent surtout pas exister. Mais c'est pas si facile que ça. Non, quand vous dites ça comme ça, vous dites waouh, c'est facile d'inventer un mot. Non, non, c'est pas facile d'inventer plusieurs mots dessus. Ah oui. Sauf que là, nous allons faire le Moulgassoum en chanson. Le principe, c'est qu'il va falloir chanter sur Michael et de retour. Okay. C'est facile, c'est en do fa sol. Et donc, le principe, je vais désigner une personne et elle doit chanter sur cet air-là qu'avec des mots qui n'existent pas. Et ensuite, je change de personne et c'est moi qui désigne au dernier moment. Et vous devez enchaîner. Et à la fin, il ne doit en rester qu'un. Si je vous sens galérer, faire des ou me dire toiture, bois. Non, des mots qui existent, c'est mort. D'accord. Pour la peine, Quentin, tu vas me désigner deux personnes. Ok. Qui, d'après toi, pourront être les meilleures. Faut que je choisisse, là. Oui. Je vais prendre... Macron. Comment? Je peux pas te prendre toi. Bah si, tu peux, bien sûr. Ah bon bah alors je te prends toi. Non c'est interdit. Voilà, il a choisi. Le relou. Et vous deux, Coco et Miko. Ah d'accord. Alors sache que Miko avec ce jeu il a un problème, il perd approximativement 10 litres de sueur. Parce qu'à chaque mot c'est une transpiration hein, pour lui. Donc non, très bien. Déjà ce jeu c'était une pression pour moi et en plus tu rajoutes Oui mais je peux pas le faire moi parce que c'est moi qui vais désigner les gens. Bah moi c'est entre vous. Sinon on fait que vous deux. Bah tu peux te désigner toi à un moment donné quoi. Bon attention. Vous êtes prêts? Mais Jeff, il va gagner, ça Jeff, sert à rien. Ah, ça va. Vont jouer avec nous Bichette, Jeff, t'as le temps, ça te laisse le temps d'accorder ta guitare. Stouff, Portas, Miko et moi. Ok. Bon, allez, on y va. Qui commence? Attends, je vais le dire, c'est moi qui dis. Que des mots qui n'existent pas. Bichette. Ectoplasalofinou, Ixilou. Stouff. Tripalax grassitouri. Tu m'as fait peur, Miko. Fistambule, Elixiclac, Eftircoq. Jigmaca, Saritapou, Laclimouja, Crimato, Caloïso, Cramentou. Il est bien, accélère. Miko. Balastu, Levista. Je valide pas. Moule est un mot qui existe. Je ne valide pas. J'ai perdu. Fistamoule. Fistamoule. Non, je ne valide pas. Il est fou. On continue. Bichette. Écris loup, Micha Koutes, FXU. On accélère. Pardon, stop. Tu peux chanter juste. Raconte les cours de chant. Non, mais là, les gars, je suis concentré. Tu peux pas tout faire. Mais le mec, moi il chante aussi. Une autre chanson. Ouais, non, mais bon. Chante le bon air au moins. Ah, mais parce qu'en plus, il faut chanter juste. Bah oui. Il faut chanter pas trop faux. On va l'air en tout cas. Ouais, mais je vais essayer si tu veux. Allons, enfants de la patrie. Il y a les notes et il y a le gars. Mec, il le fout dehors d'un stade avant un match. Direct. Chantez, monsieur. Stouff. Manou Clic, c'est à Pleulou. On y va. Pleulou. La quoi? Ah, t'as dit à Pleulou. Bordas. Céramique. T'as dit céramique. Allez, c'est bien. J'ai dit céramique. Jeff. Poustamoule. Poustamoule. Alors, là, il a vu quand il a poussé. C'est là. Vous êtes très mauvais. C'est une catastrophe. Mais c'est fait tout ça. C'est gagné. Vous savez quoi? C'est la première émission. C'est pas gagné parce que j'ai pas joué. Mais Quentin, je t'offre ton téléphone. Samsung, ça me fait très plaisir. Ah. Quentin, tu viens de gagner un Samsung en ne foutant absolument rien. Et ça, c'est très vieux. C'est beau. Gros bisous, mon Quentin. Je t'embrasse fort. Reste avec nous. On est toujours en Facebook Live. Dans un instant, à la fin de l'émission, le jeu sera qui connaît le mieux la nouvelle maison qu'il emploie. Entre Miko et Bichette, le réalisateur, connaissez-vous bien Énergie? Nous verrons qui est le meilleur. A tout de suite, bougez pas. Gagnez la somme folle de 50 000 euros. Avec la playlist suprême sur Énergie. La playlist suprême, c'est Jane. Divaphone. Alvaro Soler. Edith de Preto. Mais moi, je joue avec les filles. David Guetta. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois. Dans cet ordre précis. Dans les jours qui viennent. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937. Et gagnez la somme incroyable de 50 000 euros. La playlist suprême. C'est une exclusivité Énergie. Salut, c'est Aymeric. Comme vous, j'adore l'été, les soirées, les potes, les barbecues, les apéros en famille et Sam. Et cet été, Sam, c'est moi. Je le dis haut et fort et surtout, je le dis avant de partir en soirée. Comme ça, on ne se demande pas qui conduit au moment de rentrer. Mais cet été, je m'engage à être ce héros indispensable. Celui qui fait la fête sans alcool, reste clair et ramène ses amis sains et saufs. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné sur Facebook et sur Instagram. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez remarqué? Depuis que vous vous êtes offert une Peugeot 208 avec navigation 3D connectée et parc assist, votre meilleur ami s'invite chez vous tous les dimanches. Et tous les dimanches, il insiste pour vous emmener faire une partie de tennis avec votre 208. En ce moment, la Peugeot 208 est à partir de 9 990 euros.

ça, j'ai craqué hier. J'ai craqué hier. Ouh, toi aussi, j'ai craqué. Hier, j'ai craqué. J'ai laissé un message sur mon Snap. Oui. J'en peux plus. De quoi? Que vous mettiez l'heure. Je supporte plus que vous mettiez que l'heure. Ah oui. Ah mais c'est vrai. Ah, ça sert à rien. Oui. Mais je m'en fous, je l'ai aussi l'heure. J'ai un téléphone, à partir du moment où j'ai un téléphone, j'ai l'heure. Oui. Non mais ça, le niveau de votre batterie, j'en ai à foutre du niveau de votre batterie. Non mais, mais c'est vrai, arrêtez, envoyez des trucs intéressants. Bah si vous n'avez rien d'intéressant, il y a des gens, ils snappent rien. Ils snappent leur jean. Bah snappez pas alors. Mais non, mais vaut mieux pas c'est snapper, vrai, j'ai rien à snapper. Le kilomètre heure, on cet peut été, ou pas non, cet été, j'ai été en guerre contre ça et les filtres. J'en pouvais plus des filtres. J'en pouvais plus. Il y avait des gens, des fois, ils me mettaient un filtre, ils me croisaient dans la rue. Une fois, t'as vu, je te snap souvent. Bah non, t'es pas avec ton filtre, donc je peux pas te. Je te connais pas, je te connais pas. T'as pas une tête de chien, ah non, parce que quand t'es défiltré, t'es pas pareil. Donc, non, mais voilà. Je suis en guerre contre des trucs forts maintenant. Tu filtres jamais fort. J'ai légèrement. Ouais. Pour les yeux. Il met les. Il met les trucs drôles, lui. Non, non, mais j'essaie de. Je suis en guerre contre plein de trucs. L'altimètre, on peut? Non, aucun intérêt. Je suis à 100 mètres. La boussole? Non, par exemple, voilà, je suis devenu dingue, je parlais cet été. Tu te balades sur Snap et tu te balades surtout sur Insta. Ça, c'est Insta, c'est le royaume des belles nanas qui sont en maillot de bain, toutes les trois photos. C'est que ça. Tous les matins, j'ai oublié de me montrer en maillot de bain. Faut maillot de bain. C'est toutes les nanas à 1 million sur maillot de bain. Et tous les mecs à 1 million, ils ont plus de t-shirt. Ils sont tous en abdos sans t-shirt. Donc, si tu l'as sur ton Insta, c'est que tu la suis? Qui? Bah la nana qui est en. Mais parce que je vois bien. Oui, bon, bah c'est pas là le problème. Hein. Je vois bien celles qui ont le plus de likes. Plus elles sont en maillot de bain, plus elles ont des likes. Bah oui. Oui. Voilà, c'est le principe. Hein. T'as vu, il a pas répondu à ta question. Ouais, ouais. Non, il a pas répondu. Non, je suis personne, moi. Donc je peux pas y aller. Mais comment t'as fait? Je suis obligé de les suivre pour les voir. Je l'ai vu à un moment donné, je ne suivais la. Comment elle s'appelle là? Émilie Ratajkowski. Ratajkowski. Oh là là là là là. J'en peux plus d'Émilie Ratajkowski. Je crois que je like toutes tes photos. Mais moi j'ai envie de lui dire habille-toi, achète-toi des fringues. Non, mais t'as de l'argent, achète-toi des tissus, va chez H&M, c'est pas cher. Mais non, mais j'en peux plus. Tu fais de la peine. Fesses. Mais il fait chaud là où elle habite, c'est normal. J'ai vu ça tout l'été à Ibiza. Bah. Tout l'été, tu prends deux nanas entre elles. C'est tu me snaps. Attends, je vais te faire ta photo. C'est vrai que cet été, c'était comme ça. Et les filles, elles sont comme ça. C'est bien, mes fesses, donnez-moi. Elles se mettent en scène et tout. Hercule, ouais. Les seins, ils sont assez cambrés. Attends, je vais peut-être me faire craquer la colonne vertébrale. Hein. je te garantis pas qu'elle tient. Hein. Alors attention. Ah, je l'ai fait. Mais j'aurai une belle photo. Ça va faire des likes. Oh, ça m'a énervé. Non, attention, raison, les gars. Miko versus Bichette. Oula. C'est le moment du combat de gladiateurs entre deux personnes qui ne sont jamais venues à Énergie. C'est la première fois que vous bossez là? Oui, absolument. Qui s'y connaît le mieux? Test de rapidité, je vais vous poser des questions sur Énergie. On y va? Ok, vas-y. On y va? Laissez-moi le temps de le retrouver. On y va? Oui. Bah après, c'est vrai que on n'est pas très très près non plus. Donc Top, c'est parti. Rapidité. Rapidité. Parce que répétité, je. C'est quoi? Je connais pas. Vous parlez de moi. C'est quoi répétité? Tiens. Je l'ai pas. Faut qu'on répète ce que tu dis? Merci. Je l'ai. Rapidité. Attention, qui chante cette chanson? Ariana Grande! Bien, égalité, les gars. On y est très bien. Qui anime le 17-20 jusqu'à ce qu'on arrive? WF! Bien joué, on lui fait un bisou. C'est quoi le numéro pour envoyer des SMS? 7-10-12, c'est Bichette qui gagne. Très bien. Mettez Coé demain pour les 10 000 euros. Très bien. Que veut dire NMT? Energy Music Tour. Oh, bim. Non, c'est pas une maladie, c'est quoi, Bichette? C'est sûr, pas NMT. Attention, rapidité, quelle est l'adresse du studio? 22 rue Boileau. Très bien. C'est quoi la phrase Energy en ce moment? Eat Music Only. Non, la phrase si on appelle. La radio préférée d'Ariana Grande, c'est Energy. Ouais, presque, on y est presque, mais je valide. Quel est le nom du grand patron d'Energy? Jean-Michel. Non. Jean-Michel, c'est la honte, là. Va l'appeler Jean-Michel au 5e. Il est pas là, Jean-Michel. Je sais qu'il y a un Jean. Tu l'appelleras Jean-Michel quand on fera 13 points. Il y a un Jean. Non, Jean. Jean. Jean-Paul Bottrou. Voilà, très bien, c'est Bichette qui gagne, très bien. Jean-Michel. Je jure, le jour où on fait 13 points, tu l'appelles par le prénom que tu veux. Ok, ça marche. Dire Popol, bientôt, j'espère. Pour c'est monsieur, c'est notre patron. Tu vas mettre VG Dream ou t'attends une de fanfare? Bah, déjà, c'est pas VG Dream qu'on écoute. C'est quoi? C'est Dino okay. Et Gigi D'Agostino. Tu t'engueuleras avec Stouff qui vient de me mettre VG Dream. Donc, mets-moi oui. Gigi D'Agostino, j'adore ça. Et ensuite, c'est le ricochon, on leur fera un bisou. Allez! Mets-le! Tu veux une invitation Facebook? Je vais t'envoyer une invitation. Je vais créer un groupe WhatsApp pour te dire envoie DJ D'Agostino. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, vas-y, je voulais mettre un jingle. Mais non, on s'en fout. C'est 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Voilà. Voilà. Énorme ce morceau, énorme ça. Je veux que tout le monde lève les mains et voiture. Non, pas en voiture. Non. Partout. En voiture. Tout le monde là-dessus. Gigantesque ce morceau. This is where we all came from, the dreams we had. 19h-20h, c'est Coé sur Énergie. Il est temps de se dire au revoir. Je vous embrasse les amis, passez une belle soirée. Merci d'avoir été avec nous, on embrasse tous ceux qui nous regardaient en Facebook Live. Gros bisous, merci Miko, merci tout le monde, merci à vous tous. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai reçu un mail pour la séance photo de demain. Qui dit quoi? Qui dit donc maquillage Coé 10h20 à 10h30, coiffure Coé 10h30 à 10h30. Okay. T'as dit quoi? À quelle heure? Les gars, on a dit pas de vanne dans le boulot, pas de vanne. Et bah, rien que pour les faire chier, je serai à la coiffure à 10h40. Voilà, c'est tout. Je vous fais un bisou, merci pour cette première. On va vous laisser avec le Rico Show. Ça va là bien? Vous m'entendez ou pas? Ouais, ça va Coé? Ça va bien. Alors, ça va la bien. Forme? Vous êtes où? Vous êtes au 6ème? Écoute, on est là où t'étais entre 17h et 18h. Ah, c'est vrai qu'ils n'ont pas construit de studio en 2h. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et je vais te dire, ça sent le talent. Ça doit être le... C'est que le talent. Pas sûr que ce soit l'odeur qui prédomine, non. Mais ça va l'équipe. Ouvrez les fenêtres. Oui, ça va bien, on a bien kiffé. Bonne émission à vous. Bah merci, à demain les gars. Ciao, bonne Ciao. Soirée, on vous laisse avec Rico Show. Ciao, à demain, salut. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bannery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show, yes. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show, sur Énergie. Yes. De vous retrouver pour 3 heures de délire et de kiff. Hashtag Rico Show sur Énergie, on lit tout. 0 800 70 42 48, l'appel est gratuit. Venez kiffer. On a des news de ouf aujourd'hui. On a balayé toute l'actu, vous allez adorer. Franchement, il ouais, y a oui. du dos. Et puis, on parlera des petites choses pour se remonter le moral. Ça y est, à Paris, on met à peu près 1h15 pour faire 10 bornes. C'est la rentrée. Hein. Dites-nous aussi du côté de chez vous. N'hésitez pas, les amis. Alors, on a envie de se remonter le moral et de parler des petites choses qui nous laissent encore un peu en vacances. Vous déboulez 0800 70 42 48. On aura le canular du jour qui arrive dans 10 minutes. On va kiffer. Franchement, on est bien. On est là. Il y aura du bon son. Maroon 5. Dajou. Jane. Sera chez Koé demain d'ailleurs. Tiesto. Jackie Chan. Et toute l'équipe est là, en pleine forme. Ça va, Sarah? Salut, Rico. T'as pris des couleurs, toi? Eh oui, mais moi, j'ai le moral quand je te vois. Je suis un peu rouge, là, c'est ça? Vrai? Ouais, bah, tu me remontes le moral. Ah, là, c'est vrai? Ça ouais, fait plaisir. Ouais. Oh, je te fais mignon. Plus d'effet que ton mec. Et ça, tu vois, ça me remonte le moral. C'est bon, pourtant, on ne fait rien, je vous assure. On ne fait rien. C'est bon pour le moral, les amis, c'est comme ça. On y est, on est en grande forme. Ça, Sylvain? Eh ben, écoute, en pleine forme, hein. Ouais. Ouais. Quoi de neuf? Retour de week-end, ouais. Lundi. Ouais. Ce week-end, j'ai fait une petite guinguette. C'est quoi la guinguette? Ah, tu connais pas les guinguettes? Non, raconte. Bah, c'est des petits balles ah en oui, plein air et tout. D'accord, et alors ouais. Balles musettes et est-ce tout. Est-ce que c'est sympa. Dans la guinguette, il y a eu quéquette? Ah, ben bien sûr, il y a toujours quéquette. D'accord, on y est. On est dans le thème. Il a pas changé ce week-end. Il a pas changé. Ça, j'aime. Salut Rico, ça va, je suis au taquet. Gros week-end, j'ai peint un mur avec ma copine, je suis un fou. C'est pas vrai. Il a pour une fois sorti le pinceau. Allez, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon. Eh ouais, qu'est-ce qui est bon pour le moral? On est miné là. Ah, moi oui, je vois les vacances service, c'est ce qui me mine, ouais. Les reportages sur les fournitures scolaires. Oh là là. Papa, hier ils étaient tous sur ça à la télé, ouais. Ils sortaient les feutres, les gommes, les trucs, oh moi j'en peux plus, ça me mine, mais je suis pas le mien. J'aime. En plus, il y a un mec qui est devenu la risée sur Twitter parce ouais. qu'il a insulté un mec, il lui a dit non, je veux plus dans ma société, faut le virer. Et il y a tout Twitter qui a dit non, mais c'est quoi ce mec et tout. Juste parce que le mec il s'était trompé, il avait mis un stylo dans un mauvais endroit. C'est pas je vrai. Je te promets que c'est vrai, oh ça fait le buzz. Putain, mais laissez-les tranquilles, déjà dans tous les stylos là, c'est l'horreur ça. Non, mais attendez, c'est un truc pour remonter le moral ou pour miner là? Remonte-moi le moral ça. Bah écoute, tu es gentil. Par contre, moi, pour me remonter le moral, faut me dire ouais. que je fais 10 ans de moins, on m'appelait mademoiselle. Aujourd'hui, ah bah on m'a appelé mademoiselle. Ça m'a refait ma journée. Eh bah, tu sais quoi, Sarah? Quoi? Tu fais 10 ans de plus. Maroon 5 sur Énergie, on vous attend avec vos délires et vos astuces pour remonter le moral. Il y aura le canular du jour et on vous attend. Allez, débarquez, on est bien ensemble. It's been 24 hours anymore, I was with you. You spent the weekend getting even. Spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you.